Ils entrent dans une zone de turbulence. Le dernier épisode de la grève perlée des cheminots débute ce soir. Les prévisions de trafic, ce sera pour 17h comme d'habitude. Demain et après-demain, la grève donc, et le retour à la normale pour vendredi matin après 3 mois de mobilisation. Il y a eu les To Be Free, les One Direction. Maintenant, il faut compter sur les BTS. La tendance des boys bands semble faire son grand retour avec ce groupe de K-pop. Les 7 chanteurs sont les premiers coréens à se classer en tête des charts aux États-Unis devant Cardi B ou encore Post Malone. Et il faut dire qu'ils sont abonnés record, Morgan Derrien. Oui, puisque les BTS figurent dans le Guinness Book, ils ont tout simplement eu le plus grand nombre de retweets au monde. Sacrée performance sur YouTube aussi. Leur clip Fake Love est la 3e vidéo la plus vue en 24 heures derrière Taylor Swift et Look What You Make Me Do. Et pourtant, nos oreilles ne sont pas habituées à leur univers. Ces garçons, à l'air juvénile et à la coupe au bol colorée, chantent en coréen et en anglais, le tout sur de la musique pop, électro et urbaine, combinée à des chorégraphies millimétrées dans des fringues rétro. Il n'y a pas que les personnages qui intriguent. Leur show aussi, ils sont comparables à de super productions. Il faut près de 2 jours pour en installer le décor contre 24 heures pour un concert classique. Et comme beaucoup de groupes de K-pop, les BTS passent par Bercy parce que leur scène ne rentre pas dans un zénith. Voilà, c'est la fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée sur NRJ. Cette semaine, nous sommes en direct du Gros du Roi. On est au Yacht Club. Ouais. C'est au Gros du Roi. C'est une énorme salle. Ouais, vous pouvez venir. Il suffit d'aller sur malinans69.com pour vous inscrire. Il y a encore des places. Il nous reste. Ça passe vite. Hein. Ouais, c'est ouf. Ça va être les. On est en train de vivre les 4 dernières émissions de la saison. Et ouais. Après, on va partir en vacances. Ouais. Ou alors on reste là. On est bien. Ouais, okay. Aussi, hein. On va voir. On est bien. Dadju va nous rejoindre dans moins d'une heure maintenant. Dadju sera là. Il va chanter en version acoustique son dernier hit Django. Il va faire ça avec Nico du Web à la guitare. Ouais. Et si vous voulez voir Dadju nager au milieu de poissons et chanter, et ben vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/malu69, et dire on a fait un truc de dingue. Ouais. Si vous l'avez peut-être vécu en live, on a fait un Facebook live. La vidéo, elle est toujours disponible sur notre page Facebook. Dadju nous a proposé un mini concert au milieu de la mer sur un bateau. Génial. On était 50 à pouvoir profiter de ce moment-là. C'était extraordinaire. Ah, il est arrivé comme James Bond. Il arrivait en Zodiac comme ça, il tournait autour du bateau. Ouais. Voilà. J'avais même peur qu'il tombe à un moment. Ouais, qu'il se renverse. Ça faisait film américain. Ouais. Et ensuite, il est arrivé, il était là, bim, et il a chanté. La classe. Trop bien. Il sera là tout à l'heure avec nous. On va écouter Kinvey dans 2 minutes. Il y aura aussi le dernier Ariana Grande. Il y aura Bad Wolf, ce qu'on va s'écouter avant 8h. Et puis, on joue au jeu des 5 mots. Ouais. C'est dans 2 minutes, juste après Kinvey. Vous pouvez nous appeler dès maintenant 0 870 42 48. On vous offre la console de jeux vidéo de votre choix. Génial. Et l'écran télé qui va avec. Cool. 0 870 42 48. Avant ça, on va parler de couple, d'amour et de trucs louches dans les couples. Ah. Ouais. Le principe est très simple. Vous pouvez nous appeler au 0 870 42 48 pour nous raconter quelque chose que votre mec, votre nana, votre mari, votre femme fait, et vous dites c'est quand même un peu louche. Mm-hmm. D'accord. Pourquoi on fait ça? Parce que Nico, ouais, l'homme qui résiste à tout pourtant avec son couple, ouais, un petit problème là. Un doute. Ouais. Ah bon? Un gros doute. Nico a un doute sur mais sa non. femme. Si. Ouais, c'est un peu bizarre ce qu'elle fait. Raconte. C'est qu'en fait, elle me harcèle en ce moment pour savoir exactement les jours où je ne serai pas avec elle cet été. Parce que du coup, moi, je vais prendre qu'on a plus de vacances qu'elle. Ouais. Et elle me demande ça. Et du coup, je ne sais pas pourquoi c'est. Est-ce qu'elle veut organiser quelque chose? Oui. Est-ce qu'elle veut organiser une tromperie, par exemple? Ah, par exemple. Non, mais c'est chelou. C'est une possibilité. C'est chelou. Elle me demande vraiment tous les jours. Putain, dis-moi quand est-ce que tu seras là, quand est-ce que tu seras pas là. Wow. C'est quand même bizarre de savoir exactement quel jour elle veut savoir quel jour précisément Nico sera pas là. Pourquoi? Mais non, mais je l'ai vue, elle est très organisée. J'ai fait une soirée avec elle. Elle était toujours son sac bien rangé, tout est organisé. Quel rapport? Elle peut être organisée en tromperie. Hein. C'est justement, elle sait exactement quand. Paulette, c'est la bonne copine qui essaye de sauver les copines mais qui les enfonce. En fait, c'est un peu nul. Non, mais tu sais, elle te trompe pas. Elle est hyper bien organisée dans son sac à main. Quel rapport? Ah ouais. Je sais pas. Tu sais, elle. Mais non, mais elle l'aime. Même à cette soirée, on a dansé avec d'autres garçons. Elle te regardait. Que toi. Oula, il savait pas ça. Oh. Là, déjà, t'as creusé le trou. Là, vraiment, t'es en train de mettre tout le monde dedans. Donc, non, elle l'aime son mari. Ouais. Ah, c'est louche quand même. Oui, mais enfin, c'est quand même bizarre de demander et d'insister pour savoir exactement quel jour il sera là, il sera pas là. Ouais, au moins cette semaine-là, elle est sûre qu'il est pas là, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr. Je peux dire que c'est la fête. Elle est organisée, la fête. Ouais, merci les copains, merci. Comme par hasard, il a essayé de faire un FaceTime hier, elle apparaît proche. Ouais. Alors. Un petit aller-retour, moi. Alors, ça veut dire. Racontez quelque chose que votre mec ou votre nana fait et vous pouvez trouver ça un peu chelou. Ouais. Moi, en rentrant d'un week-end, mon ex-copain est arrivé avec des fleurs et des chocolats. Et il avait, et c'était un week-end pote. C'était un week-end où il est parti avec tous ses copains. Ouais. Mais tu sais, moi je l'ai connu, ton ex, franchement, il est hyper bien organisé dans son sac à main. Ouais. Non, t'inquiète pas, il t'aime. Hein. Ouais, ouais, c'est très louche. Ah ouais, il avait jamais fait bizarre. Ça en deux ans en plus. Ouais, ah oui, bah alors c'est super louche. Ah, il m'a trompé, on peut le dire là maintenant. Non, ça va pas dire ça. Non. Ou alors il a vu des fleurs, il est passé devant un cimetière, je sais pas. Je veux pas m'emmêler. Venez nous raconter un moment comme ça où vous dites. C'est quand même bizarre. Ouais. Parce que c'est rigolo l'amour dans les couples, mais c'est encore quand même plus rigolo quand c'est les chelous. Ouais. 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler. Kinvé tout de suite, et juste après on joue au jeu des 5 mots. Le meilleur jeu radio du monde, on vous offre la console de jeux vidéo de vos rêves. Expliquer ce que je ressens depuis des mois. Allez, pardonne-moi. Le fait que je perde mes moyens lorsque je suis près de toi. Car personne ne t'arrive à la cheville. C'est avec moi que je veux faire ma vie. Est-ce que tu Bienvenue sur Énergie, 7h42, toute cette semaine, pour notre dernière semaine d'émission de la saison. Et ben on est au Gros du Roi, on est en direct, on est en public. On vous fait vivre toute notre journée sur notre page Facebook, facebook.com/manu69. On vous poste des vidéos et attention, chaque jour, comme l'année dernière, mais on est encore monté d'un cran, ouais. Glandu se déguise. Ouais. Chaque jour avec un nouveau déguisement. Et il fait une petite vidéo avec ce déguisement. Ouais. Hier, il nous a fait un Superman grotesque. Ah, oui. Oh, grotesque, il fait ce qu'il peut, quoi. Oui, c'est ça. Bah, ouais. Et il peut pas beaucoup. Hein. Non, et alors, attention, aujourd'hui. Est-ce que c'est assumable? Je l'assume à moitié. Mais c'est trop tard, hein, tu l'as fait. Ouais. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, facebook.com/manu69. Vous allez voir la vidéo de Glandu déguisé en Casa des Papels. Hein. Casa des Papels, ouais. Exact, voilà, ouais. Avec un jeu de mots extrêmement merdique à la fin. Oh, c'est compliqué. Ouais. Mais ouais. J'avoue que j'ai souri. Allez, vas-y, balance. Voilà, j'avoue que j'ai souri. Vous pouvez aller voir ça. Et si vous voulez vous déguiser vous aussi, vous pouvez poster un commentaire sur la vidéo. Et grâce à déguise-toi.fr, vous aurez des bons d'achat de 100 euros de costumes. C'est cool. Vous ne serez pas obligé de faire le même jeu de mots que Glandu dans la vidéo. Non. Écoutez, je ne veux même pas l'annoncer. Voilà, vous allez voir la vidéo. Allez sur notre page Facebook. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Et on fera ce qu'il faut pour éliminer Glandu. D'accord, très bien. On va jouer tout de suite, les amis. Il est 7h44. On va jouer au jeu des 5 mots. On a Sébastien avec nous. Bonjour. Bonjour Manu. Mathieu, bonjour les Wouin-Wouin et bonjour à tout le gros Louis-Rouin. Oh, Sébastien, tu es là pour jouer avec nous au jeu des 5 mots avant de s'écouter Ariana Grande. Nous allons tout faire pour te faire gagner la console de jeux vidéo de tes rêves. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? La Switch pour mon petit-fils. C'est beau. Sébastien, les Nintendo Switch pour toi. On rajoute l'écran télé qui va avec. Attention. Yes. Pour jouer avec toi, un petit handicap ce matin, c'est Paulette qui va sortir. Mais non, elle est forte, Paulette. J'ai tout donné. Paulette, honnêtement, au jeu des 5 mots, c'est tout ou rien. C'est vraiment le concept. Ouais. Alors attention, elle part, elle va loin. Le studio est un petit peu grand, du coup aujourd'hui c'est une grande salle. Elle sort, elle est dehors, voilà. Elle entend plus ce qui se passe. Sébastien, les règles n'ont pas bougé. Je vais te donner 5 mots. Après chaque mot, tu me donnes le premier qui te vient à l'esprit. Ensuite, on fait revenir Paulette. On fait exactement pareil. Et si vous avez au moins une réponse en commun, eh ben c'est gagné. Ok Sébastien? T'es prêt? Nickel, ça marche Manu. C'est parti, on joue au jeu les 5 mots. Combinaison. Surf. T'as dit quoi, pardon? Surf. Surf. Combinaison, surf. Ok. Inspection. Impôt. Univers. Espace. Champ. Blé. T'es nerveux. Record. Médaille. C'est pas mal. C'est une lutte à chaque fois. Sébastien est à fond. Ah oui. Attends, ouais. Sébastien, on va faire revenir Paulette maintenant. Elle va avoir les 5 mêmes mots que toi. Et si vous avez une réponse en commun, c'est gagné. Attention, Paulette est de retour au petit pas de course. Ouais. Attention. Je suis crevé. T'as fait 3 mètres. Ok, l'équipe la moins sportive de France. T'es prête? Oui. Attention, pour Sébastien, pour la Nintendo Switch et l'écran télé qui va avec. Un mot en commun, c'est parti. Ok. Combinaison. Ski. Aïe. C'est dommage, il avait dit surf. Ah oui, l'été, c'était plus cohérent. Non, il n'y a pas de mal, de mal. Il reste 4 mots. Ok. Inspection. Travail. Aïe. Il avait dit impôt. Ouais. Ah ben, voilà. Okay, mais... Soit l'un, soit l'autre. Exactement. Oh, il y en avait d'autres aussi. Oui. Enquête. Ah oui, ouais. Il reste 3 mots. Univers. Planète. Aïe. Ah dommage, j'y croyais à celui-là. Ah, c'est pas loin. Ah là là, Sébastien m'a dit espace. Ça c'est pour les... J'en ai le souffle coupé. Ça va Sébastien? Désolé Sébastien. Ouais, c'est chaud. Il a plus tout confiance. Il reste 2 mots. Ok, ok. Je me concentre. D'accord, c'est bien de le faire à la fin. Oui. Ouais. Allez. Allez, 2 mots peut-être. Ouais. Oui. Chant. Voix. Oh. Ah non, il était parti sur le champ de blé. Ouais. Ah ben oui, Ouais. Paulette, c'est marrant parce qu'elle a les mêmes intonations, la façon de parler, les mêmes mots qu'un mec bourré. Ouais, c'est ça. C'est impressionnant. Ah ben oui, Alors peut-être qu'elle l'est. Peut-être qu'elle l'est, effectivement. Non. Du coup, il reste un mot. Sébastien, toujours là? Ouais, je suis toujours là. On y croit. Je t'en aurais pas voulu si t'avais raccroché et écouté une autre radio. Paulette. Un mot. Vas-y. Record. Monde. Sébastien avait dit médaille. Ah ouais. On pourrait faire une compilation des phrases de Paulette à chaque fois que le mot est pas le bon. En plus, là, je rigole, mais en vrai, à l'intérieur, je suis vraiment très mal. Je suis désolée, Sébastien. Non, on était à côté. Il n'y a pas de problème. Sébastien, ça arrive. On n'était pas en accord aujourd'hui, Paulette. Mais ouais, je suis désolée. Et puis on lui avait dit au début, on te met en handicap. Ouais, c'est vrai. Donc, vous aviez prévu. On était honnête, voilà. Je m'en veux. Ouais. Finalement. Écoute, ça arrive, Sébastien. Vous êtes pas croisés, comme on dit. Hein. Ouais. Voilà. Non, c'est pas drôle. Je suis désolée, ça me regarde, il rigole. Il est vraiment fair play. Non, il n'y a pas de problème. Non, je rigole pas. C'est le jeu. Ok, désolée, pardon. Pour l'ensemble de ta carrière, oui, tu dis pardon. Oui, pour tout. Sébastien, tu nous rappelles quand tu veux, on te souhaite une belle journée. Merci à toi, Manu, merci à vous. Très bonne journée à vous et passez de bonnes vacances. Merci. Et comme dirait Paulette, belle journée à toi Sébastien. Ariana Grande tout de suite sur Énergie. Juste après, on vous prend au téléphone au 0870 42 48. On parle d'amour, mais surtout d'amour et de choses louches dans le couple. Ouais. votre mec, votre nana fait un truc qui est un petit peu bizarre. Mm-hmm. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Que fait-il à aller chercher du sel systématiquement 4 fois par jour chez la voisine? Ah ouais, 0 870 42 48. Il aime peut-être le sel. On vous prend au téléphone après Ariana Grande sur Énergie. We turning it up, yeah. We turning it up. Ain't got no tears in my body. I ran up a boy. I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it. We out here vibing, we vibing, we vibing. The colors in you, I see them too. And boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate. We out here vibing, we vibing, we vibing. Come on, even when it's raining down, can't stop, can't stop, so shut your mouth. Bienvenue sur Énergie, il est 7h52 minutes à 8h05, on va doubler votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. On va s'écouter Calvin Harris et Dua Lipa, et avant ça, nous parlons de choses louches. Ouais. De choses louches dans votre couple. Ouais. Mais que se passe-t-il? Pourquoi votre mec décide de sortir les poubelles tous les soirs à 19h en même temps que la voisine? Ah oui, c'est 0 870 42 48. Venez nous appeler, les inspecteurs de l'amour sont là pour vous. Marina, bonjour. Salut Manu, salut tout le monde. Bienvenue sur Énergie Marina. Qu'est-ce qui se passe avec ton mec? Qu'est-ce qu'il fait de louche? Bah écoute, moi ça fait 3 semaines qu'il part au boulot à pied, alors que d'habitude il part en bus. Alors bon, louche ou pas louche? Il a décidé d'aller au boulot à pied. Bah. Ça veut dire qu'il veut tout simplement se remuscler. Il veut se revitaliser. Ah, il veut que son corps soit parfait. Pour qui? Ah ouais. Je me demande. Qu'est-ce qu'on répond à ça? Bah non. Mais non, il veut peut-être juste perdre un petit peu de poids pour l'été, pour être bien sur la plage. Ouais, c'est ça. Oh, là, on voit le mal partout. Tu l'as demandé pourquoi, Marina? Bah oui, bah il me dit que justement il fait beau, il a envie de prendre l'air, de prendre son temps avant d'aller au boulot et tout. Ouais, il est clair qu'il veut prendre l'air, ouais. Mais bien loin de toi. C'est clair que c'est méga louche. Oh, le détective. Trompeur. Non, c'est juste qu'il veut prendre l'air, t'inquiète pas Marina. Ouais. Bon d'accord. Enfin on espère. Oui. Belle journée à toi, Jérôme, bonjour. Oui, salut Manu, salut l'équipe. Ta copine fait quelque chose de louche, Jérôme? Eh ben, ouais, ça fait quelques jours, elle a mis un code de déverrouillage sur son téléphone. Donc, elle veut pas me donner le code. Louche ou pas louche? Aïe. Louche ou pas louche? Aïe, aïe. Évidemment que c'est louche. Ah, c'est ouais. là. Si elle n'a rien à se reprocher, pourquoi mettrait-elle un code de déverrouillage, Paulette ? Si elle n'en avait pas avant et qu'elle en met un maintenant, c'est qu'il y a quelque chose à planquer. Après, c'est peut-être pas un mec, hein. Peut-être des discussions avec des copines sur toi, ce qui peut être gênant aussi. Mais... Ah, ça se trouve, elle veut c'est juste te faire plus, un cadeau. C'est encore plus intéressant. Elle veut faire un cadeau, c'est comme la navigation privée. Oui, c'est ça, voilà. Non, non, il a raison, Nico. Ouais. C'est vraiment, c'est, elle te prépare en fait un anniversaire surprise. Peut-être ça. Elle veut pas que tu tombes sur les messages. Et donc, du coup, bah, elle a mis un code pour que tu regardes pas. Ou alors elle te trompe. On se fait une belle journée. Belle journée à toi, Jérôme. Très bien, merci, bonne journée. Ciao. Oui, il le prend bien, ça. C'est cool. Flavie, bonjour. Salut Manu, salut les groingroins. Ah, les d'accord. Les groingroins. Ouais, ça change. Parce que c'est les groingroins du gros du roi. Ah oui, c'est vrai. Les groingroins du gros du roi, les groingroins. Ça marche. On va te laisser, Flavie. Jérôme, toujours là ? Oui, toujours là, ouais. Non, c'était pour savoir si t'allais bien. T'inquiète pas, hein, ça se passe bien avec ta femme. Flavie ? Oui. Les groingroins sont à ton écoute. Alors, en fait, hier soir, mon mec, il a fermé brusquement son ordinateur portable quand je suis rentrée dans la chambre. Donc du coup, ben, louche ou pas louche. Ah, il voulait tout simplement te faire une surprise, il voulait t'offrir quelque chose, il était sur un site internet, sur le site internet d'un grand bijoutier. Oui, ça, ouais. Et il ne voulait pas que tu le vois. Ou alors c'était YouPorn. Eh oui. Il y a les deux solutions. Ouais, c'est compliqué, c'est difficilement défendable. Oui. Mais c'est trompé, YouPorn. Ah bah non, bah non, là, c'est pas trompé. Ah bah non, sinon tout le monde trompe tout le monde. Oui. Hein. Non. Enfin, je sais pas, moi je ne connais pas ces sites. Ah, d'accord. Okay. Je ne connais que les sites de bijoutiers, moi. Je peux pas vous dire. Après, s'il était en slip, ça peut donner un indice. Okay. C'était pour voir comment le bijou lui allait. Non. Flavie, on te souhaite une belle journée. Bisous. Gros bisous. Nous sommes pour l'amour dans le couple, mais c'est plus rigolo quand ça part en sucette. On revient dans 3 minutes sur NRJ. On va écouter Calvin Harris et Dua Lipa. Les infos, c'est à 8h et à 8h05. On double votre salaire pour la deuxième fois de la matinée. À tout de suite. Manu. Manu, il est wa. 6h, 9h30, tous les matins sur NRJ. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Énergie, hit music only. À la fois standardiste, responsable magasin et livreuse, elle sait tout faire sans se planter. Elle, c'est Emma. Emma Gnolia, artisane fleuriste et son Citroën Berlingot. Un bon utilitaire, c'est comme un bon artisan, ça doit savoir tout faire. En ce moment, Citroën Berlingot Blue HDI Business avec 3 places à l'avant et aide au stationnement arrière est à partir de 139 € par mois, maintenance comprise. Citroën. Crédit bail 60 mois avec premier loyer de 2745 €, offre non cumulable hors taxe réservée aux professionnels, valable jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur citroën.fr. Mesdames, messieurs, nous atteignons le pays des pourcentages. Oh, quelle chance vous avez! Un énorme pourcentage de réduction vient vers nous! Oh, beau spécimen! C'est un moins 55%, une espèce rare. Jusqu'au 16 juillet chez SFR, profitez des réductions exceptionnelles du shopping d'été, comme moins 55% sur le forfait Power 50 Go à 10 € par mois pendant un an au lieu de 24 €. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, enjoy! Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box sans mobile avec engagement 12 mois. Enjoy, profitez! Avec Peugeot, roulez surclassé avec style. Depuis que vous avez croisé votre ami d'enfance au volant de sa très chic Peugeot 108 ultra personnalisable avec écran tactile, vous tenez absolument à la conduire et connectez votre smartphone avec Mirror Screen pour lui faire écouter votre playlist. En ce moment, la Peugeot 108 style suréquipée est à partir de 79 € par mois avec écran tactile et entretien offert. Location longue durée, 37 mois, 30 000 km, premier loyer 850 €, prime conversion déduite si éligible jusqu'au 30 juin sous réserve d'acceptation crédit par. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement. Tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. L'affaire est dans le sac, expression française qui signifie que tout ce dont vous rêvez se trouve sur la redoute. Plus 15 jours avant les soldes, jusqu'à moins 60% sur la mode et la maison. À vous cette petite robe ou ce canapé qui vous fait rêver. Et en plus, la livraison est gratuite toute l'année avec La Redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Pendant les journées Audio All Access, ne passez pas à côté de l'Audi de vos rêves. Du 16 juin au 7 juillet, offrez-vous votre Audi d'occasion en toute sérénité grâce à notre pack d'offres exceptionnelles sur l'entretien, le financement et les accessoires. Profitez de toute l'expertise et du savoir-faire Audi sur plus de 4000 modèles d'occasion certifiés. Audi Occasion Plus, entrez dans l'univers Audi. Retrouvez le détail de ces offres chez votre distributeur Audi Occasion Plus et sur audi.fr/occasion. Journée All Access signifie journée exceptionnelle. C'est exceptionnel, c'est fou, c'est dingue, c'est géant. Demain, uniquement pour le lancement des soldes, profitez de 20% de remise supplémentaire sur le prix déjà soldé, soit jusqu'à 70% de réduction. Oui, 70% de réduction immédiate sur une sélection de produits. Ne manquez surtout pas les soldes dans votre magasin géant. Les prix bas, c'est géant. Offre valable dans les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Date des soldes selon décret. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h! Olivier Giroud, tu feras! Journée de football! Juste après les infos, on va doubler votre salaire comme chaque matin. Et je vous rappelle, attention, que demain, c'est le salaire impossible. Qu'est-ce que ça veut dire, le salaire impossible? Ça veut dire qu'on va multiplier votre salaire par 10. On vous explique tout juste après les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Pas de changement ce mardi, la météo reste estivale pour tout le monde. Du soleil, du ciel bleu au menu toute la journée, mais aussi jusqu'en fin de semaine. Et comme prévu, les températures grimpent un petit peu chaque jour. Ce matin, par exemple, il fait de 13 à 23 degrés déjà du nord au sud. Cet après-midi, on aura 23 à Lille, 26 à Chambéry, jusqu'à 28 en plein cœur d'Orléans. Deux objectifs aujourd'hui pour les Bleus en Coupe du Monde. La France affronte le Danemark à 16h avec une équipe remaniée. Seulement la moitié des titulaires du Pérou devraient être alignés au coup d'envoi. Didier Deschamps, le sélectionneur, veut donc faire tourner tout en gardant la première place du groupe, synonyme en principe de huitième de finale plus favorable. Les Bleus pourraient tout de même retrouver l'Argentine qui tentera de se qualifier face au Nigeria à partir de 20h. Dans l'actu également, le bac terminé. Parcoursup peut donc rouvrir pour une nouvelle phase réservée aux retardataires et à ceux qui ont changé d'avis. La plateforme est de nouveau accessible aujourd'hui pour accueillir les vœux d'orientation dans les études supérieures des terminales notamment. Ceux qui n'ont toujours pas reçu de réponse positive peuvent aussi se manifester jusqu'au 21 septembre. Un mot de la SNCF avec le dernier épisode de la grève perlée des cheminots entamé il y a maintenant trois longs mois. Premier souci ce soir, même si les plus grosses perturbations auront lieu demain et après-demain. On connaîtra les prévisions vers 17h, retour à la normale vendredi matin. Les Normands pour le camembert et maintenant la Bretagne pour son drapeau. Une nouvelle pétition vient d'être lancée pour la création d'un emoji breton sur nos smartphones. Il y a déjà 20 000 signatures en ligne et vous pouvez soutenir vous aussi le mouvement sur emoji.bzh. Dernier jour, dernières heures pour faire votre repérage sur internet ou en magasin. Les soldes d'été débutent demain matin dans toute la France ou presque. La plupart des grandes enseignes proposent déjà des ventes privées pour leurs clients les plus fidèles. On revient au sport avec le basket et la troisième récompense individuelle d'un joueur français dans l'histoire de la NBA. C'est suffisamment rare pour être signalé. Après Boris Diaw et Joachim Noah, Rudy Gobert à son tour, le pivot des Utah Jazz, a été élu meilleur défenseur du championnat cette nuit. Il n'a que 25 ans. Gobert porte aussi bien sûr les couleurs de l'équipe nationale. Volontaire ou pas, Tom Holland a fait une boulette hier. Il a dévoilé le nom du prochain Spider-Man. Far From Home, loin de la maison en français. Deuxième épisode du reboot des aventures de l'homme araignée interprété par l'acteur anglais de 22 ans. On sait déjà que c'est Jake Gyllenhaal qui jouera le méchant Mysterio, maître de l'illusion. Sortie prévue en 2019. Allez, on termine avec Jane. La chanteuse vient de dévoiler le clip de son single All Right, une vidéo très girl power dans laquelle on la voit en pleine cascade, elle est à voiture ou encore à moto. All Right, premier extrait de son deuxième album dont la sortie est attendue le 24 août. 8h03, c'est la fin de ce flash, bon réveil, bonne matinée pour ce mardi 26 juin. Vous retrouvez Manu dans le 6-9 en direct du Gros du Roi toute la semaine, bonne journée. Chaque matin, 8h03, soyez les bienvenus toute cette semaine pour la dernière semaine d'émission de la saison. On est en direct du Gros du Roi, on est en public. Si vous voulez venir nous voir, et ben c'est simple, vous allez sur manudans69.com, vous vous inscrivez. Yes. C'est aussi simple que ça. Et attention, vous pouvez aussi vous inscrire pour notre barbecue géant demain. Ah, oui. Ça va être trop bien. Le barbecue géant avec So Magique, ça va se passer dans les arènes du Gros du Roi. Vous allez sur manudans69.com pour vous inscrire. On va faire un barbecue, on va manger et il y a des jeux gonflables. Mais trop bien. c'est rigolo. On va manger les brochettes et on va jeter dans l'eau. Ouais, c'est cool hein, comme programme. Écoutez, qui mieux que nous hein. Et il y a un baby-foot humain là, avec les jeux gonflables, on va faire Coupe du Monde quoi. Coupe du Monde à notre niveau quoi. Génial. Écoute, okay. On fait ce que tu veux. Ah, cool. Franchement, à partir du moment où on a 8 ans et qu'on fait des jeux gonflables, moi ça me plaît. Ouais, c'est ça. Manu dans le 69.com pour vous inscrire. Dadju est notre invité, il arrive d'ici une petite demi-heure. Si vous avez envie de lui poser les questions, si vous avez envie de lui parler, eh bien vous pouvez nous appeler dès maintenant au 0870 42 48. Tout de suite, on double votre salaire. Manu dans le 69. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Énergie.fr, Manu dans le 69.com ou sur l'application Manu dans le 69. Vous vous inscrivez tous les matins, 7h05 et 8h05. On vous appelle pour doubler votre salaire. Claire habite Mazerolles, c'est dans la Vienne. Elle a 27 ans et elle touche 1404 euros chaque mois. Claire, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Oui, ah. Allô. Allô, c'est Claire. Oui. C'est Claire de Mazerolles dans la Vienne. Oui. Ça va. Ça va. Est-ce que ça pourrait aller mieux? Ah non, ça va là. Ah, d'accord. Ça va, ça va. T'es sûr que ça pourrait pas aller mieux? Ah, ça pourrait aller mieux, mais là, pour l'instant, ça va. D'accord. Ouais. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et voilà. Non. Sérieux? Oh putain, j'ai trop peur. Tu vois que ça pourrait aller mieux? Ah la vache. Ah, j'y croyais pas, hein. Franchement, je suis inscrite. Bah, Claire, c'est le concept, tu t'es inscrite. Ah, j'y crois pas, franchement. Eh ben, je sais, ouais, à chaque fois on s'inscrit, on se dit, ouais, j'ai une chance sur 1 million, oui, eh mais oui. Il faut la prendre cette chance. Et le ouais. Résultat, eh ben, il est là, Claire. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça t'arrive ce matin. 1404 euros, c'est ton salaire, on va le doubler. Ça va faire 2808 euros pour toi. Oh, merci. Claire. Elle s'en remet pas, Claire. Claire, reviens avec nous. Ah non, j'en reviens pas, franchement. Tu es seconde cuisine. C'est ça. C'est-à-dire qu'en cuisine, il y a le chef et toi, t'es juste après lui. Je suis juste en dessous, ouais, c'est ça. Je remplace le chef quand il n'est pas là. Ah, c'est bien ça. Ouais, c'est trop cool. Bien. Ah ouais. Oh, c'est pas mal. Et quand il est là, du coup, est-ce qu'il te file tout le boulot un peu relou à faire? Bah, un petit peu, oui, quand même. Ah ouais, c'est ça. C'est le principe du seconde cuisine. Ouais, ouais. C'est et ça. Et tu dois dire oui, chef, quand il te dit un truc? Non, non, pas ici, hein. Pas ici. Oh là. Ah. Ici, ça passe comment? Bah, ici, je lui crache à la gueule. Pourquoi? C'est plus détente, c'est ça? Ouais, je suis dans une collectivité, c'est moins strict que dans un restaurant. Ah, c'est une collectivité, c'est dans une cantine? Oui, c'est un restaurant d'entreprise. Ah, okay. D'accord, vous avez le droit de ne pas faire de la nourriture, quoi. Non, je prends des exemples de la cantine d'énergie qui est pas. Honnêtement, la cantine d'énergie sont hyper sympas. Ouais, ah bah oui. Elle est bonne. Ah, bah oui, non, on fait des bonnes choses quand même. Là, on parle de la cuisine glandue. c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ouais. La purée est excellente si vous avez des trous dans les parpaings. Ah, non, les entrées sont très bonnes. Non, quand même pas. Claire, on te double ton salaire, 2808 euros, ça arrive très vite pour toi, bravo à toi. Ah, merci beaucoup, bonjour, merci. Eh ben merci à toi d'être là chaque matin avec nous et ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire. Énergie.fr ou Manu dans le 69.com ou l'application Manu dans le 69. Et attention, demain les amis, c'est dans 24 heures. Ouais. Oui. Demain à la même heure, à 8h05, quand on va vous appeler. Eh bien, ce ne sera pas pour doubler votre salaire, ce sera pour le multiplier par 10. Yes. Ça va être fou. C'est dingue. C'est à l'occasion de la sortie du film Mission Impossible Fallout, ça sort le 1er août. Eh bien, on va faire le salaire impossible. Mmh. Eh, on est des génies, on trouve les noms. Ouais, c'est très malin. C'est ça, c'est fort. Heureusement que ce n'est pas à l'occasion du film Pinocchio, ce qui aurait voulu rien dire. Ouais, ouais. Le salaire Pinocchio, c'est nul. Le salaire impossible, on va vous multiplier votre salaire par 10. Vous pouvez continuer à vous inscrire. Énergie.fr, Manu dans le 69.com. Ou alors sur l'application Manu dans le 69, le tirage au sort aura lieu juste avant de vous appeler. Ouais. Ce sera fait par un huissier. On sera avec lui au téléphone. Attention, la pression est là. Ouais. Ce sera demain à 8h05. Calvin Harris et Dua Lipa tout de suite sur Énergie. Et juste après, des gens improbables qui font des choses improbables. C'est les concours du jour. Cool. Pour se dire qu'il y a bien pire que nous dans le monde. Bon réveil. Lost in the way you move, the way you feel. Soleil sur Énergie, il est 8h11. On va écouter Pink, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Mais avant ça, comme chaque jour à la même heure, voici les gens improbables qui font des choses improbables pour se dire que oui, il y a pire que nous dans le monde. Ouais. C'est pas facile à trouver, mais à chaque fois on en trouve au moins 3 par jour. C'est les concours du jour. Et attention, il y a des jours comme ça. Aujourd'hui, 3 histoires de très mauvais braqueurs de banque. Ah, ok. Ouais. Ça arrive, je ne sais pas ce que les gens ont eu hier. Ils se sont dit, tiens, on a besoin d'argent, on va pas les braquer les banques. Ouais. Première histoire, ça se passe aux États-Unis, dans l'état de l'Ohio. Un homme braque une banque. Mm-hmm. Et le guichetier lui dit qu'en fait, pour ouvrir le coffre, on a besoin d'un permis de conduire. Ouais. Et le mec donne réellement son permis de conduire. Oh là là. Non. Il le donne au guichetier. Okay. Donc il part derrière, genre, il va chercher l'argent. Bah, il appelle la police, il donne le nom du mec. Il donne l'argent au mec, le mec rentre chez lui, la police est arrivée pour le récupérer. Ah ouais. Ah, voilà. Okay. Fin du braquage. Après, les policiers n'ont pas eu la journée la plus difficile de leur vie au niveau enquête. Au Canada, un homme braque une banque et s'enfuit en voiture. Sauf que, à l'extérieur de la banque, il y a une caméra. Et que cette caméra, en fait, montre, grâce à la plaque d'immatriculation de la voiture, que c'est une voiture de location. Donc du coup, la police va à l'agence de location, qui lui donne le nom et l'adresse complète du loueur-voleur. Et la police va sonner chez lui pour l'arrêter. Ah, décidément. Ah oui, pareil, ils sont tous à la maison, quoi. Ils attendent. Oui, là, vraiment, sur ce qu'on appelle les experts nulos. C'est ça. Voilà. Et un petit dernier, alors là, ça se passe en Angleterre. C'est mignon. C'est un braqueur qui rentre dans une banque. Et avant de recevoir l'argent, il panique. Oh. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, il fait tout. Et au moment où le mec va lui donner le sac d'argent, il fait. Non, je suis désolé, j'ai trop peur, je m'en vais. Ah ouais. Et il part en courant. Ouais, la frousse. Et le mec s'est pas arrêté là. Il a pas fait qu'une banque, il a fait 3 banques. Et à chaque fois, il a paniqué. Et à chaque fois, il a dit non, gardez l'argent, je reviens. Ouais. Et voilà. Alors le mec est toujours introuvable. Ah d'accord. Voilà, donc voilà. Si jamais vous travaillez dans une banque, soit il est tendu, il est pas méchant. Ouais, c'est ça, il est pas rien. Il est plus paniqué que vous quand il est sous vol. Allez, on revient tout de suite sur Énergie. On va s'écouter le dernier Pink. Et dans un quart d'heure, Dadju sera avec nous. Et je le sais, je te fais confiance quand tu me souris. Il va chanter Django en version acoustique avec Nicolas Webb. Ouais. Et si vous voulez lui parler, lui poser des questions, 0 870 42 48, vous pouvez nous appeler dès maintenant. On revient tout de suite sur Énergie. Manu dans le 6-9. Retrouvez-nous aussi sur l'appli Manu dans le 6-9. Énergie. Je viens de la France où on danse la chenille, où on prend plus de caisses que des crash tests demi. J'ai des potes diplômés, d'autres qui ont pas lu de livres, qui sont sûrement sur un mur et dans les rues du centre-ville. Mon père a gravi l'échelle pour devenir ce qu'il voulait être. Ma mère est la ménagère à qui les publicitaires veulent la mettre. Je connais la campagne et ses gros sabots, où ça vole pas haut, les ragots et les oiseaux. Toujours autant de pluie chez moi. Vieux, où le chômage et la tisane forment un cercle vicieux, où on critique les invités qui viennent de partir. C'est pas qu'on est lent, c'est qu'on prend notre temps pour réfléchir. Je viens de la classe moyenne, moyennement classe, où tout le monde cherche une place. Une éclair dans le monospace, je freestyle et dans ma tête sur le bruit des essuie-glaces. Y'a la pluie en featuring dans toutes mes phrases. Toujours autant de pluie chez moi. Mais il fait quand même beau. Moyen du soleil 40 jours par an. Tu peux passer la plupart de l'année à l'attendre. Je regardais par la fenêtre enfermée dans ma chambre. Je priais pour la fin de l'averse et aller faire de la rampe. Je connais que le bruit de la pluie, l'odeur du béton mouillé. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur de rouiller. Trempé, j'aurais jamais pensé que le mauvais temps finirait par me manquer. Il fait quand même beau, il fait beau, il fait beau, il fait beau. Chez moi, il fait beau. Pink. And now it's Manu on Energy. Il est 8h16, attention, dans 3 minutes, nous allons tenter d'enlever la phobie d'une personne qui est avec nous dans le public, qui a la phobie des bananes. Génial. Wow. Alors attention, ouais. Nous allons tenter. Elle est là, Périne ? Elle est là-bas ? tu vas venir dans un instant, juste après Pink sur Energy. We could have it all, neither one of us would budge, cause we can't be wrong, baby. Folding up your arms, closing up your heart. I know you think it's me. Sur Énergie, il est 8h20. On va s'écouter Ed Sheeran, aussi Maître Gims pour vous. Et attention, nous sommes toute cette semaine au Gros du Roi. On est là, on est en public. Vous pouvez venir nous voir, vous vous inscrivez sur Manu dans le 69.com. On est au Yacht Club au Gros du Roi. On est bien, il y a 300 places chaque matin. Ouais. Et on vous a fait gagner une semaine de vacances. Vous, avec trois de vos amis. Et nous avons avec nous ce matin Perrine. Perrine, qui est la copine de Georgia, qui a gagné, c'est ça? Ouais. Hein, exactement. Alors, on discute depuis qu'on est arrivé ici au Gros du Roi, on apprend à vous connaître. Et Perrine a une phobie totalement improbable. Ouais. Perrine a la phobie des bananes. C'est exactement ça. C'est dingue. Déjà, là, t'as peur, là. Ouais, ouais. Le mot banane, déjà. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement, la phobie des bananes? Quand tu vois une banane, tu paniques? Ouais, complètement. C'est-à-dire que la vue d'une banane me fait un peu paniquer. Lorsqu'on en épluche une près de moi, c'est juste pas possible. Okay. L'odeur, n'en parlons pas. Ah oui, l'odeur de la banane, elle est terrible. Bien sûr, mais il y a eu une guerre là-dessus. Hein, c'est connu. La guerre des bananes, évidemment. Et la couleur jaune, ça va? Non, la couleur jaune, ça va. La forme? La forme, ouais. Alors, c'est un problème pour d'autres trucs, mais... C'est comme ça. Ouais. Mais alors, la question est, d'où ça vient? Mais d'aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été comme ça. Depuis que t'es petite, toujours. Ça te fait peur. C'est une dingue. Oh, et, ouais. Et tes parents, ils sont bien normaux? Je pense. Il n'y a que toi dans la famille qui a la peur des bananes? Non, ma mère également. Ah, ah, ouais. Ah oui, elle t'a refilé le truc. C'est ça. Je pense. Ah bah ça. Mais oui, t'as fait du mimétisme avec ta maman. Je sais pas. Mais donc on t'a jamais fait goûter, même à l'aveugle, on t'a mis une banane dans la bouche jamais. On m'a forcé étant petite. Et alors à la cantine, j'en garde un très mauvais souvenir. Oh. Et si là je te montre une banane, t'es pas bien quoi. Non. Je peux essayer? Oh la peau. Non, attends. Si tu me dis non, je te la montre pas. Non, tu peux, mais pas l'éplucher. Qu'est-ce qu'il y a, quoi Bon, je te la montre juste une fois. Ok. Ça peut porter à confusion bizarre, quand même, la manière. Ah, si vous allumez la radio à ce moment-là, là, c'est. Il y a un truc de dingue sur énergie. Il y a un animateur pervers. C'est surtout la réaction. La réaction qui va être folle. Je te la montre et tu. Non mais je te la montre rapidement et on voit si ça te... D'accord ? Ouais, ok. Attends, rapidement, vraiment très rapidement. Attends, je m'éloigne. Ouais, non, comme ça, ça va, mais... Si tu te mets à l'éplucher... Épluche. Bon. Non, attendez. Je l'épluche juste un coup pour voir. Oh, la pauvre pas. Non mais attends, si tu veux pas, on le fait pas. Tu peux. Vous avez un sac à vomi. Ah non. Ok, on l'épluche pas. Ouais, non, je suis à côté, les gars. Mais à ce point-là, vraiment. Non, ouais. J'ai déjà vomi. Nico, assieds-toi. Ok, non, il y a mon ordi, il y a tout. Mais c'est plus cher. Même si je suis loin de toi et que je l'épluche loin de toi, ça te fait quelque chose. Ouais, mais le pire, c'est que si tu la manges devant moi. Et si je la mange sans l'éplucher? tu meurs, là. Alors, Perrine, quand on a appris ça. Nous ne sommes pas là pour te laisser, d'accord ? On ne va pas te laisser sur le bord de la route, on ne va pas te juger parce que tu as une phobie loin. Non. Nous avons avec nous Kevin. Kevin fait partie aussi de tous ceux qui ont gagné une semaine de vacances. Bonjour Kevin. Bonjour. Perrine, Kevin. Enchanté. Kevin, je te présente la tarée Kevin. Merci Manu. Alors, Kevin, c'est le hasard, mais on en avait parlé quand on l'a vu au téléphone. Kevin est psychopraticien. C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire déjà? C'est chiant à prononcer. C'est pas faux, ouais. Le principe, c'est en fait d'apporter des thérapies, soins psychologiques, par l'hypnose, la réflexologie, et de permettre justement de changer certaines phobies. Donc tu peux soigner les phobies? Oui. Ah. Est-ce que tu penses... Enfin, déjà, est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un qui avait la phobie des bananes? Non. Personne. Jamais. Donc ça va. Kevin, est-ce que tu penses que tu peux sauver la phobie de Perrine et faire en sorte que, je ne sais pas dans combien de temps, je puisse éplucher une banane sans qu'elle vomisse? On va essayer. Ouais. Au moins qu'elle n'en ait pas le dégoût. Ouais. Et c'est quoi, c'est un truc, c'est quoi, c'est de l'hypnose, c'est quoi? Là, on va faire de l'hypnose, oui. Oh, ah. Hypnose ericksonienne. Ah, oui, avec les téléphones. C'est ça. Perrine, est-ce que tu es prête? Personne n'a entendu. Tu l'as faite? Non, j'ai pas faite. Perrine, est-ce que tu es prête à accepter que Kevin te... t'hypnotise, en fait, je sais pas trop, pour te faire enlever la phobie des bananes? Carrément, je suis partante, ouais. Ah, okay. Ça va pas se planter, parce que si on le refait... Il faut combien de temps, Kevin? 30-40 minutes. D'accord, on va pas le faire en direct, ça va faire chier tout le monde. Non. Je propose un truc. Il est 8h24, on a encore une heure d'émission. Ok, Dadju va arriver tout à l'heure, s'il nous voit maintenant, là, il va repartir. Hein, donc, ouais. Je propose un truc. Vous allez faire ce que vous avez à faire, et dans une heure, je lui montre. Je l'épluche. Ok. Je parle de la banane. Ah, c'est gênant, c'est tellement gênant. Et on voit si elle est soignée. Pas de problème. Ok. Allez. Tu te rends compte que si ça marche après, ta carrière est lancée. Hein. Ouais, c'est ça. Et elle pourra la prendre dans la main? Je sais. Non, mais. Je rappelle que nous, si vous venez d'arriver, nous parlons d'une banane. Nous avons Perrine qui est là, qui a la phobie des bananes. Et nous avons Kevin qui va essayer de la soigner. Ouais. Génial. Ça serait ouf, ça, je trouve. Ah ouais. Pour l'instant, tu peux pas prendre une banane dans la main. Non. Non, c'est impossible. Non. Ok. Dans une heure, tu la prends dans la main. Ouais. Ok, Kevin. On va essayer. On va pas essayer, on va y arriver. Ça va être chaud. Ouais. Ok, on vous laisse. Il faut que vous soyez dans un endroit calme. Oui, mais dans une pièce, ouais. Très bien. On va vous envoyer dans une pièce. Dans 40 minutes, quand ce sera fait, quand tu penses que c'est fait, vous revenez et en direct on teste. On va faire l'avant-après. C'est cool. Ok. L'avant, il est simple. Attrape la banane. Non. Ah là On verra l'après, ok? Pas de problème. Allez, c'est parti. 8h26, on vient tout de suite sur Énergie avec Dadju. Amour, j'ai dû affronter le regard de ton père. Ça, c'est Par amour avec Maître Gims. Dadju, c'est aussi sa reine. Il arrive, il sera avec nous pendant une heure juste après les infos de 8h30. Bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9, à tout de suite. Manu dans le 6-9. N-R-J. gagner 1000 euros de bons d'achat chez Cdiscount avec la phrase Énergie. Si on vous appelle en direct, répétez la phrase Énergie. La radio qui offre 1000 euros de bons d'achat sur Cdiscount pour le lancement des soldes, c'est Énergie. Surtout, retenez-la bien. Cette phrase vous permet de gagner 1000 euros à dépenser sur Cdiscount. N'économisez pas votre plaisir. C'est à tout moment de la journée. C'est la phrase Énergie. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une victoire. Ben, je me prends une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une défaite. Ben, je me prends une petite glace, moi. Jusqu'au 1er juillet chez Intermarché, le paquet de 8 cônes vanille extrême est à seulement 3,39€ avec en plus 50% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 568 grammes à 5,97€ le kilo. Modalité et magasin participants sur intermarché.com. Pour votre santé, évitez les aliments gras, salés, sucrés. Foot veut dire nourriture. Salut, moi c'est Bertrand. Bertrand Kill. Dans la vie, ce que j'aime, c'est rester calme. Pas de stress. Par exemple, pour avoir la paix avec ma voiture, je prends toujours rendez-vous en ligne chez Citroën pour sa révision et je bénéficie de 20 euros de remise. Et comme en ce moment, il y a aussi 60 points de contrôle offerts, autant vous dire que ça détend. Enfin, je me comprends. Bref, merci Citroën. C'est cool! Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable jusqu'au 27 août 2018 dans le réseau Citroën France participant. Détail de l'offre sur citroën.fr. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. Avec ma fille, on est fan de shopping. Alors quand on a vu les soldes chez Carrefour avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur plein d'articles textiles, on n'a pas traîné. Petit haut, jupe, pantalon, veste et t-shirt. On a fait une vraie razzia pour toute la famille. Résultat des courses, pour nous, ça va être défilé de mode tout l'été. Demain, c'est les soldes dans vos hypermarchés Carrefour. Avec jusqu'à 70% de remise immédiate sur un large choix de produits textiles. Carrefour. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Magasin participant sur carrefour.fr. Téléchargez l'appli Énergie, gratuite. Sans abonnement. Avec 150 radios digitales. Énergie, hit music only. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Enchaînez les virages et les kilomètres. Maîtrisez vos trajectoires. Adhérez totalement à la route. Ressentir cette sensation de sérénité absolue. Et surtout, appréciez la tenue de route reconnue de votre Peugeot. Associé à des pneus en parfait état. Chez Peugeot, du 25 au 29 juin, bénéficiez de 50% de remise sur le deuxième pneu acheté. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Loire-Atlantique. À 20 km de Nantes, au Palais, l'exploitation familiale du domaine du Bois Joli compte 30 hectares de vignes et produit le Moulin Carré, un muscadet de qualité. Il est issu du cépage le melon de Bourgogne, que l'on nomme ainsi non pas à cause d'un goût de melon, mais en raison de la forme très arrondie de ses feuilles. Je vous dis tout ça pour que si on vous pose la question, vous n'ayez pas un blanc. Commerçant autrement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Demain, on part super tôt pour pas avoir d'embouteillage parce qu'on va super loin. Bah moi, mon père, il dit que conduire, ça le fatigue pas. Et bah moi, le mien, rentre des vacances, on a roulé toute la nuit sans s'arrêter. Et si nous transmettions la bonne attitude? Sur un long trajet, une pause toutes les deux heures. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. Eh ben, il s'en passe des choses ici, on dirait. Ah oui, nous avons encore du nouveau chez Carrefour Market. Ah mais ça m'étonne pas de vous. Jusqu'au 1er juillet, il y a 50% d'économies sur la carte fidélité sur le pack de bière Leff blonde. Mais pardon, mais vous avez dit 50%, c'est ça? Oui, oui, Michel, j'ai bien dit 50%. Ah ouais, donc j'ai bien entendu. 50%. Carrefour Market. Cette offre est aussi valable dans votre drive Carrefour Market. Le pack de 20 bouteilles de 33 centilitres, modalité et magasin participant sur carrefour.fr. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, Dadju vient d'arriver les amis. Yes. Ah, mais attention, cool. Il prend son petit déj. Bah oui. Ah, oui. C'est bah important, oui. On ne gêne pas Dadju quand il prend son petit déjeuner. Non, non. Il sera avec nous dans un instant, si vous voulez venir, n'hésitez pas. 0 870 42 48, qu'est-ce qu'il y a Nico? Non, non, il se marre, il mange. Il se régale. Il mange? Ouais. Il en met dans les poches. Il a peur de manquer. 0 870 42 48, vous venez avec nous, n'hésitez pas. Dadju sera avec nous pendant une heure, il va chanter en direct tout à l'heure en acoustique Django avec Nico du Web à la guitare. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Aucun doute, on est bien en été. C'est du soleil, du ciel bleu au menu pour tout le monde encore aujourd'hui. Et ça va durer au moins jusqu'en fin de semaine avec un temps de plus en plus chaud. La preuve, ce matin, il fait déjà 22 degrés à Toulon et ça va grimper au fil des heures pour atteindre 30 degrés à Cahors cet après-midi, 29 au Mans, 24 à Lille. Une vague de chaleur programmée d'ici ce week-end. La première place en vue, la France termine la phase de poule de la Coupe du Monde aujourd'hui à 16h avec un match face au Danemark. Déjà qualifié pour les huitièmes de finale, les Bleus peuvent donc se contenter d'un nul pour finir en tête et hériter d'un adversaire a priori plus favorable au prochain tour. A priori puisque c'est l'Argentine de Lionel Messi qui pourrait décrocher son billet ce soir face au Nigeria. Kylian Mbappé ne devrait pas débuter mais l'attaquant de 19 ans, buteur face au Pérou, fait déjà partie des cadres et c'est aussi le petit chouchou des supporters. C'est un joueur très très technique, il est très jeune et pourtant il est très technique, il a une intelligence de jeu qui est incroyable. Non, c'est bien, en plus il est à peu près de ma génération. J'aime bien voir les joueurs jeunes comme ça, dans de grandes équipes comme ça. Il se prend pas la tête et il joue comme il a envie de jouer, à l'instinct, et tout vient par la tête et il le fait sur le terrain. Sa vitesse. Il court bien vite. Sa maturité sur le terrain. En équipe de France par exemple, à son âge, il est déjà presque le patron de l'équipe. Il rayonne, il emmène tout le monde dans son sens, sans le vouloir. Mbappé c'est le deuxième plus cher au monde là, et il est toujours pareil, il change pas. Ce qu'il fait à son âge, Cristiano Ronaldo il faisait pas ça, Messi il faisait pas ça à son âge. Voilà, des propos recueillis par Morgan Barthélémy. Danemark-France est donc à suivre à partir de 16h aujourd'hui en Russie. Du vintage, le Conseil supérieur vient de présenter ses préconisations pour les programmes scolaires de l'année prochaine. Un retour en force des valeurs tradies avec l'apprentissage de la Marseillaise au primaire, la dictée quasi quotidienne, mais aussi les leçons de grammaire au collège. Et il y aura également de nouveaux critères de progression obligatoires jusqu'au lycée. Pour les terminales, maintenant, c'est vacances, fêtes et grasse mat jusqu'au résultat du bac le 6 juillet. On peut aussi faire, pourquoi pas, un tour sur Parcoursup qui rouvre aujourd'hui pour les retardataires et ceux qui ont changé d'avis. La plateforme est de nouveau accessible pour recueillir les vœux d'orientation dans les études supérieures. Avis aux usagers SNCF, toujours très bien informés. Vous entrez dans une nouvelle zone de turbulence. Le dernier épisode de la grève perlée des cheminots débute ce soir. Prévision de trafic à 17h pour demain et après-demain, comme d'habitude. Encore un petit peu de patience donc. Après 3 mois de mobilisation, tout devrait en principe revenir à la normale dès vendredi matin. Il y en a qui font le chemin en sens inverse de stars de ciné. Ils veulent devenir stars de YouTube. George Clooney et Kirsten Dunst vont produire une comédie noire pour la plateforme vidéo. On l'a appris ce matin. Dunst d'ailleurs qui en sera l'interprète principal. Affaire à suivre. 8h33, c'est la fin de ce flash. Mardi 26 juillet, bon réveil, bonne matinée. Vous suivez Manu dans le 6-9 sur Énergie en direct du Gros du Roi cette semaine pour la dernière semaine avant les vacances. Bonne journée. On est en public, comme chaque matin, c'est notre dernière semaine d'émission de la saison et nous sommes en direct du Gros du Roi, si vous voulez venir. Et bien c'est très simple, c'est pas loin de Montpellier, c'est pas loin de Nîmes, c'est pas très loin de Marseille. Nous sommes au Yacht Club. Ouais, ça s'appelle comme ça, le Yacht Club. On est là, il y a 300 places pour vous. Chaque matin, vous allez sur manudansle69.com pour vous inscrire. Et c'est aussi simple que ça. Yes. On va s'écouter Ed Sheeran dans un instant. Il y aura aussi Maître Gims. Je ne sais pas si on va mettre Maître Gims. Pourquoi ? Ouais. Je préfère son frère. Ah ouais. Alors, évidemment, on a Dadju. Bah oui, ah ouais. On recevrait Maître Gims, on dirait qu'on préfère Maître Gims. Ouais. Mais là, c'est son frère. Puis comme ils sont tous les deux costauds, on ferme notre gueule. On n'est pas courageux. Ouais. Il est là, il est derrière. Ouais. Et ben, quand il veut, mesdames et messieurs, Dadju qui est là avec nous. Assieds-toi, je t'en prie. Comme tu dis, ce A de Dadju veut dire. Ah putain, il est tôt. Ouais. C'est ça en gros ? En gros, ouais. Ça fait toujours plaisir de te voir à cette heure-ci. Ah hey. Par rapport à se voir à 3h du mat, c'est ça ? Exactement, ça va ? Bah écoute, nous on est bien, on est contents, ouais. On s'est levé à 4h30 du matin. Ah ouais. T'es du matin ou pas du tout ? Pas du tout. D'accord. Ça mérite d'être pas clair. Pas du tout, franchement. Depuis l'école, j'avais arrêté le matin. D'accord. Depuis l'école. Ouais. J'allais vraiment au cours vers 16h. Ouais. Ils avaient mal goupillé le truc, c'était l'heure où ils arrêtaient les cours. Donc moi, je suis vraiment pas du matin. Ça passe son excuse hein, quand ouais, tu arrives. Oui. Ouais. Il sera en retard ce matin, il est pas du matin. Ouais. Heureusement que t'es pas chirurgien, quoi. J'avoue, ouais, c'est vrai. Ça serait embêtant. Dadju est avec nous. Si vous avez envie de lui parler, n'hésitez pas. 0 870 42 48. Et vous pouvez aller voir sur notre page Facebook. La vidéo est encore disponible. Ouais. Hier, on a fait un Facebook Live d'une première mondiale. Tu n'avais jamais fait d'adjou. J'avais jamais fait ça. On vous a offert une balade sur un bateau, sur un catamaran, sur un grand catamaran, en pleine mer. Il y avait nous, il y avait vous qui aviez gagné cette balade. Il y avait des poissons. Il y avait des canadaires qui passaient autour. C'est vrai. Glace. C'était top. La totale, quoi. Et d'un coup, est arrivé tel James Bond. Non, mais attends, complètement. Tu nous as fait une arrivée à la James Bond. Eh, mais c'est vrai, j'ai kiffé l'arrivée. Ah, c'était chic. Ouais, c'était pas mal, c'était pas bien. Mal. Il est arrivé sur un hors-bord. En tournant, là. Il a tourné autour du bateau. Il est arrivé, il a chanté. Il nous a offert un concert ultra. On pouvait pas faire plus ultra privé que ça. Ouais, hein. Ouais. Ouais, c'était privé, privé. Private. Private. Parce que Dadju est aussi américain. Il traduit tout. Exactement. Pendant sa tête à lui. Et il nous a fait trois titres pour nous. Franchement, c'était top. Ouais, c'était cool. Il y avait une bonne ambiance. Je vois des gens qui étaient là hier en plus. Bah oui, il y a des auditeurs qui ont gagné une semaine qui viennent avec nous tout le temps. Ils nous collent. Ouais. Non, mais on ne peut plus s'en débarrasser. C'était bien, c'était cool. Et bah écoute, tout à l'heure, tu vas nous offrir une autre version acoustique de Django avec Nico Duweb à la guitare. Yes. Il se passe un truc entre vous deux. Hein. Ouais, on commence à s'habituer l'un à l'autre, c'est cool. Vous ne vous quittez plus. Ouais, ça devient private. Ouais. C'est ça. Alors, Dadju connaît un seul mot en anglais. Hein. C'est private et ça marche pour tout. Hein. Ouais. T'as envie de manger quoi au petit déjeuner? C'est private. On a Solène qui est avec nous au téléphone. Bonjour Solène. Bonjour Solène. Non, moi c'est Manu. Mais il n'y a pas de mal. Ça commence bien. Ah bah oui, pas aussi. Non, c'est parce que je suis contente. Je vous ai dit le matin, c'est. C'est dur. En fait, Dadju, tous les fans de Dadju ne sont pas du matin. Solène, Dadju est là. T'es fan de Dadju? Oui. Ça se sent. T'avais envie de lui parler, t'avais envie de lui poser des questions? Oui. Eh ben vas-y, Solène. Voilà, alors je voulais te demander si ta femme, elle n'était pas trop jalouse, parce que avec toutes les femmes qui doivent rêver de vivre une histoire avec toi, un peu comme moi, tu vois, voilà. Je me dis que ça doit pas être... Elle se place, hein, quand même. Voilà, elle se place, mais alors discrètement. Hein. Ouais. On n'a rien vu venir. Hein. Oui. Bah, je pense que toutes les femmes du monde sont jalouses. Mais ça va, elle arrive quand même à bien gérer le truc. Non, ça pourrait faire une chanson, ça. J'ai bien le stress. Ouais, les femmes du monde sont jaloux. Mais elle arrive quand même à bien gérer. Oula. La mienne. Okay. La tienne, la mienne, non. Tu devrais te lancer, Manu. Par la fenêtre. Dans l'eau. On est d'accord. Et donc, non, elle n'est pas jalouse, elle accepte le truc. Et Ouais, c'est pas qu'elle n'est pas jalouse, hein, mais. Elle s'est fait une raison. Elle gère bien le truc, en tout cas. Ouais. Il y a des moments où elle gère moi. Et c'est là où tu dis, je pars en tournée. C'est là où je dis, Manu m'appelle. Et là, il est prêt à se lever très tôt le matin. Ouais. Et ben voilà, Solène. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, c'était trop bien. Le show, j'ai vu sur Facebook, ça avait l'air cool. Merci. Ah, bah, c'était top. Des poissons, un bateau et d'adieu. Ouais. Le bonheur. Qui mieux que nous? Merci beaucoup, Solène, de nous avoir appelé. Merci. Merci. Belle journée à toi. N'hésitez pas à nous rejoindre. 0 870 42 48 si vous avez envie de parler à Dadju. Il est avec nous jusqu'à 9h30. Les sondages du matin arrivent. Oui. Les sondages du matin arrivent dans 3 minutes. Et Dadju va se recoucher. Ouais. Et ça, c'est private. Ouais. Ed Sheeran, tout de suite pour vous. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 9h30. Ouais. Tu veux le café? Non, merci. Si, prends le café. Walking down 29th and Park, I saw you in another's arm. Only a month we've been apart, you look happier. Saw you walk inside a bar, he said something to make you laugh. Saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. Ain't nobody love you like I do. Promise that I will not take it personal. Baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Sur Énergie, il est 8h42. On va s'écouter Maître Gims peut-être dans un instant si son frère veut bien. Ah ouais. Dadju est notre invité ce matin. Ça te va si on l'écoute ou. Oh, il est relou. Non, je rigole. Ouais. Avec plaisir. Vous vous engueuliez quand vous étiez petit avec Maître Gims? Bah, en fait, je peux pas m'engueuler avec lui, c'est mon grand frère. Donc, Ah oui, c'est vrai. Ah. Donc, c'est lui qui, déjà, c'est lui qui m'engueule, c'est lui qui me frappe. Mais... Ah putain, oh. C'est quoi? Ah ouais. Mais je vais te dire un truc, okay. Je vois exactement ce que t'as vécu, j'ai vécu la même. Tu vois le délire? Ouais. Des fois, c'est de l'injustice, mais bon, c'est le grand frère. Mais on est d'accord. Droit de naissance, on appelle ça. Mais non, mais c'est pas juste, hein. C'est pas juste, c'est le grand frère, il est plus costaud, il te dit des trucs, c'est moche. Mais il vous frappait? Vos frères? Maître Gims, moi non. Mais quand t'es petit, tu te bats, oui. Ah ouais, tu tapes, ouais. Mais sauf que toi, t'es petit, donc tu donnes des coups dans le vide. Ouais. Lui, il te tient la tête comme ça. Ouais. Et voilà, tu peux rien faire. Après, on rappelle quand même que toi, t'avais jeté une boule de pétanque sur le dos de ton frère. Oui, alors ça, c'est vrai. Ah, t'es un malade mental. Une fois, j'ai réussi à jeter une boule de pétanque et je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie après. T'es un malade mental. La vérité, c'est que je cours encore, en fait. Dadju est avec nous. Si vous avez envie de lui poser des questions, vous nous appelez au 0 870 42 48, peut-être dans le public aussi, il y a des gens qui ont des questions à poser. Ouais. On va voir ça. Avant ça, voici comme chaque matin les sondages du matin. Ouais. Écoute bien, tu peux essayer de trouver toi aussi, Dadju. Ok. 18% des femmes trouvent que c'est la partie physique la plus moche chez l'homme. D'après vous, quelle est cette partie, Nico? Les genoux. C'est pas les genoux. Les pieds. Les pieds, Dadju, non. Glandu. Le coude. Le coude, non. C'est vrai que c'est moche le coude. Hein. Ouais, c'est pas joli. Ouais. C'est en bas ou en haut? Plus vers la tête, plus vers les pieds? Au milieu. Ah, bah. Okay. Tu demandes, je réponds. Hein. C'est un truc qu'elles n'ont pas, les filles. Ah, effectivement, si elles l'ont, il faut consulter vite. Ah, ok. D'être joué une proposition. Private. Le nombril. Il est fort. Bien, il est bon. Alors, non, parce qu'on en a deux. Les testicules. Les testicules. C'est exactement ça. Ah ouais. 18% des femmes trouvent que c'est la partie physique la plus moche chez l'homme, les testicules. Parfois, c'est moche. J'avoue que parfois, c'est moche. Parfois. Alors, honnêtement, je connais pas des. Waouh! Wow. Ouais. Parfois, c'est stylé. Dadju, les testicules stylés. Alors, la question, c'est qu'est-ce que des testicules stylés? C'est ça. Elles ont une forme géométrique spéciale. T'arrives à jongler avec, je sais pas. J'en sais rien, j'en ai pas vu beaucoup. Écoutez, 18% des femmes, en tout cas, trouvent que c'est la partie physique la plus moche chez l'homme, les testicules. Okay. Selon les rapports de police, 5% des gens ont déjà perdu durant quelques secondes le contrôle de leur voiture pour cette raison. 5%, c'est pas beaucoup. Hein. Ah. Mais pourtant, ils ont perdu le contrôle de leur voiture pour cette raison. Glandu ? Une frite qui tombe ? Non, c'est pas une frite qui tombe. Ils s'engueulent avec leur conjoint ? Non, ils n'ont besoin de personne. Personne. Okay. Personne. Et t'as besoin d'un objet ou pas ? Non, besoin de personne et pas besoin d'un objet. Voilà. Ah. Dadju ? Je sais pas, envie d'aller pisser ? Non, mais on se rapproche. Ah. Ils chantent à tue-tête ? Non, ils chantent pas. C'est cracra ? Oui. Ah, ils se sont fait dessus ? Non, on pouvait être. Non mais là c'est pas cracra, ça. Hey, là t'es allé trop loin. Là. C'est cracra, la question est plutôt bien tournée. Ouais, ouais, après non. Non, on n'en est pas là. Ils ont fait un prout. Mais c'est ça, tout simplement. Ah. 5% des gens, selon les rapports de police, hein, c'est dans les rapports de police. Ouais. 5% des gens ont déjà perdu le contrôle de leur volant parce que ils ont fait un petit prout quoi. Et ils ont surpris parce qu'il leur arrive. Oh mon dieu. Oh mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est quand même chelou de le dire quand t'es automobiliste. Ouais, c'est ça. De dire non monsieur, c'est j'ai perdu parce que j'ai fait un prout. Ou alors c'est peut-être pas le leur, c'est un autre de quelqu'un, ils veulent dénoncer. Ah d'accord, oui, là ça se tient. Ils méritent de la prison, 3 mois de prison avec sursis parce que là c'est pas... C'est ça, c'est pas cool. Pour 3% des femmes, c'est le style musical qui leur donne le plus envie de faire l'amour. Quel est ce style musical, Paulette? Le rap. Eh ben c'est pas le rap. Ah. Non désolé. Le reggae? Le reggae non plus. Ouais. Le métal non plus. Ouais, non. Dadju? Le R&B. Le R&B non plus. C'est un truc que t'aimes bien toi ou pas? Ah non, non, non, je ne le comprends pas même. Ah. Sérieux? Mais il y a beaucoup de musique que je comprends pas. Hein. Ah ouais? Ah. Ouais. Le jazz? Non, alors c'est l'autre. Ah. Le blues? Le classique? Non, non, oui, non, non. C'est plus classique que ça. L'opéra? L'opéra. Ah, là, c'est une horreur. Ah ouais. Pour 3% des femmes, c'est le style musical qui leur donne le plus envie de faire l'amour, non. L'opéra. Mais non, non, ma belle-mère, elle est fan, ça crie tout le temps, quoi. Heureusement que ça donne pas envie de faire l'amour. Ah. Ouais, j'ai pas envie de savoir. Ça aurait... Non, mais moi, ça peut me donner envie de faire l'amour, mais en partant, loin. Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà le truc. Ça va, Nadjou? Ça va toujours. Tu restes avec nous? Ouais. T'as pris les choses, quand même. Les testicules, le prout, l'opéra, quoi. Franchement. Je dormirai moins con. Ouais. Ça, c'est pas sûr. 8h47, Dadju est avec nous. On vous prend au téléphone dans 3 minutes. Vous avez des questions à lui poser au 0870 42 48. Juste après avoir écouté Maître Gims, on a l'autorisation de son frère. Ouais. C'est Corazon sur Énergie. Bienvenue. Avant 9h30, Dadju fera une version acoustique de Django avec Nico Dubois à la guitare. Trop cool. Bon réveil, c'est Manu dans le 6-9. Corazon, dis-moi pourquoi tu fuis. J'ai vu ton visage apparaître dans les flammes. Je préfère encore te contempler tout comme un gamin. Car tu es l'esprit du malin. Avec toi, impossible de savoir à quoi s'attendre. Tu changes de peau, tu te glisses dans des draps de satin. J'aurais préféré ne jamais croiser ton chemin. Oh, oh. Dévorer tous les hommes. Et d'après la rumeur, tu ne souris jamais. Tu prendras tout de moi, tu me laisseras seul enchaîner. Est-ce que j'ai tort? Non, je savais. J'avance vers toi, les courbes de ton corps m'assomment. Tu diras, j'ai récolté tout ce que j'ai semé. Attends 2 minutes, j'ai déjà vécu la scène. Oh, oh. Ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête, toujours là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazon, dis-moi pourquoi tu fuis. Tout toi, qu'est-ce que je suis, Nicolas? Dis-moi combien tu m'aimes. Dis-moi ce que j'ai fait. Sur Énergie, il est 8h50, Maître Gims à l'instant, le frère de Dadju. Et comme nous, on est paf dans l'actu, Dadju est avec nous. Yes. C'est incroyable, à chaque fois qu'on met quelqu'un, il y a toujours le frère qui vient. Ouais, c'est fort. Hein. Dans un instant, on va écouter David Guetta, on aura Marcel Guetta qui va venir après, qui est le frère de David Guetta. Oui. Dadju est avec nous ce matin. On vous rappelle que vous pouvez aller voir une vidéo dingue. Ouais. Ça s'est passé hier, c'était en Facebook Live et la vidéo elle est encore disponible. Vous allez sur notre page Facebook, facebook.com/malu69. Dadju nous a offert un concert ultra privé sur un bateau. On était là hier avec 50 d'entre vous. Vous avez gagné ce concert. Ouais. Avec nous, on était sur un catamaran. Dadju est arrivé en hors-bord, il a fait le tour du bateau. Il est arrivé. C'est classe. Et il a chanté pour nous. Ouais. Franchement. Tel James Bond, tu l'as pas dit là cette fois. Alors, j'essaie de changer. Ah, okay. C'est vrai qu'il est arrivé en hors-bord et sur la vidéo on le voit en hors-bord, comme dans les films d'action américains. Tel, il a inventé tel James Bond, dis-le. Ah, pardon, James Bond. Attends, Dadju va se fâcher. il était comme James Bond. Ça te va? Moi je plaisante pas avec sa famille. Hein. Ouais. Et si jamais ça va pas avec Dadju, Maître Gims arrive, tous les potes arrivent là, c'est. T'es le meilleur James Bond du monde. D'ailleurs, je vais te dire un truc, tu devrais jouer James Bond à la place des autres. Tu serais le meilleur de tout. Ah ouais, tu trouves vraiment, tu sais que t'es sincère. Dadju va chanter Django dans quelques minutes. C'est une version acoustique avec Nico du Web à la guitare. Ouais. Et il y a plein de questions pour toi. On a Stéphane qui est là. Bienvenue Stéphane. Salut Manu. Salut l'équipe. Salut Dadju. Salut. Eh ben Stéphane, Dadju est là. Si t'as une question à lui poser, c'est maintenant ou jamais. Je te rappelle qu'il faut l'appeler James Bond. Ok. Alors James Bond, je voulais savoir, c'est quoi la première chose que t'as fait hier en arrivant en Gros du Roi? La première chose que j'ai fait hier, alors, laisse-moi réfléchir. Quand je suis arrivé, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, la première chose qu'on a faite, c'est de prendre le bateau direct parce qu'on était en retard. Pour arriver comme James Bond, justement. Et pour ben voilà. Pour arriver au bateau. On a pris le bateau pour arriver au bateau. Ok. Une question à la fois troublante, une réponse tout aussi troublante. Ouais, Le mystère d'Adjou. Et ensuite, je suis allé chercher un grec en bateau. Ah, c'est classe. C'est vrai, t'allais manger un sandwich sur bateau? Franchement, ouais. Je suis allé chercher un grec. Ouais, c'est ouf. Et les gens ont dit, putain, c'est James Bond. Putain, il mange un kebab, James Bond. Merci Stéphane de nous avoir appelé. On a Ingrid qui est là. Bonjour Ingrid. Bonjour Manu, bonjour les Ouin-Ouin et bonjour Dadju. Bonjour. Et bonjour à toi Ingrid, tu n'es pas seule apparemment. Oui, il y a du monde autour de moi, mais je me suis mis un petit peu au calme. D'accord. Et pourquoi il y a du monde autour de toi? T'es au travail? Parce que je suis enseignante, ouais. D'accord, donc ils sont enseignantes, mais à la cool. Hein, on est tente, ouais. Ouais, excusez-moi, je suis en train de donner un cours, là, mais vous continuez sans moi le cours. Mais il faut créer de l'autonomie. Oula, ouais, pas mal du tout. Il faut créer de l'autonomie. T'es vraiment en cours, là, avec les élèves derrière? Ouais. C'est improbable. Ouais. On sent que c'est la fin de l'année. Là, ouais, c'est dégoûté là. C'est plus cool, c'est vrai. Ouais. Mais ils ont quel âge, tes élèves? Ils ont 3-4 ans. Ah! Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est la maternelle? C'est la maternelle, tout à fait. D'accord, ok. Donc c'est bien, les parents sachent que si vous avez une maîtresse qui s'appelle Ingrid, ouais, venez récupérer vos enfants. C'est ça. Non, vous inquiétez pas, ils sont en sécurité. Oui, c'est ça. Voilà. Ils sont en sécurité, mais je sais pas où ils sont. C'est génial. Incroyable. Ingrid, la maîtresse de maternelle la plus cool du monde. Ouais. Tu avais une question à poser à Dadju. Et oui, moi j'aurais voulu savoir, puisque nous avons son frère, quel est le plus gros défaut de Maître Gims? Puisqu'il n'est pas là, on peut le dire. Ouais, mais de toute façon, il va finir par l'entendre. Il a peur. Non, mais son plus gros défaut, je sais pas. C'est quoi son plus gros défaut? Si tu dis qu'il est perfectionniste, ça va pas. Hein. Non, c'est pas ça son défaut. Je dirais que il est parfois tête en l'air. Et ça, son défaut, c'est qu'il est parfois tête en l'air. Il peut te parler d'un truc et demain l'oublier. Tu vois. Ah oui, d'accord. Il te fait une promesse et après. Non, il tient ses promesses, c'est juste que parfois il a oublié qu'il a fait cette d'accord. Ah, d'accord. Ah oui. Et des fois il fait genre je savais que j'avais oublié un truc, c'était un concert. Je suis désolé. Je suis pas venu. Et il oublie ton anniv ou il pense à ton anniv? Non, il l'oublie pas. Enfin, après tu sais, on est franchement, tu veux que je sois honnête avec toi, ouais. On est beaucoup de frères et sœurs. Je retiens pas la date de tous mes frères et sœurs. Ah oui. Ah ouais, je peux pas. Que tu retiens tous les prénoms. Ouais. Déjà. Ouais. Comme Ingrid, elle retient tous les prénoms de ses élèves. Alors, bah oui, heureusement. Bah non, parce que déjà, elle les voit pas complètement toute la journée, comme ouais, tu peux t'en apercevoir. Alors, pour retenir les prénoms après. Ingrid, on va te laisser t'occuper des enfants un petit peu quand même. Il n'y a pas de souci. Il se gère tout seul. Faut que je le fasse au moins une fois dans l'année, c'est ça? Oui, ce serait bien quand même. Merci de nous avoir appelé, Ingrid. On te souhaite une belle journée. 8h56, on va revenir tout de suite avec Dadju qui est là. Il va chanter Django en acoustique. C'est les chaînes comme Django. Django. C'est avec Nico Duweb qui sera à la guitare. Et puis attention, dans 10 minutes, un quart d'heure, retour de Perrine. Trop bien. Ah oui. Ah ouais. Dadju, tu as loupé ça tout à l'heure. Nous avons une auditrice qui est avec nous, qui s'appelle Perrine, qui a la phobie des bananes. J'ai une banane dans la main. Quand je lui montre une banane, elle panique. Ouais. Vraiment. Mais nous avons aussi Kevin, qui est psychopraticien. C'est-à-dire qu'en fait, il fait de l'hypnose pour soigner justement les phobies. Ouais. Donc, il y a environ une demi-heure, ils sont partis tous les deux. On les entend plus. Ouais. Apparemment, il l'hypnotise pour lui enlever la phobie des bananes. Ouais. Elle va revenir. Je vais éplucher une banane devant elle. Et ça peut être le drame. Ouais, ou pas. Ou alors, il va lui sauver la phobie. Ouais. Ouais. Restez avec nous. Elle sera à côté de toi. On va la mettre à côté de toi. Okay, et comme ça, on lui a pas dit ce qu'elle faisait quand. Non, ne lui dis pas encore. D'accord. Elle peut vomir quand elle. Non, je mens pas. Non. Là, il est pas rassuré. Okay. Restez avec nous, on va faire un Facebook Live. On vient tout de suite sur Énergie. Dadju avec nous jusqu'à 9h30. Manu sur Énergie. Manu dans le 6-9. Sur Énergie. Votre radio préférée. Énergie. Vos hits préférés. Ici. Ici. C'est Énergie. C'est exceptionnel, c'est fou, c'est dingue, c'est géant. Demain, uniquement pour le lancement des soldes, profitez de 20% de remise supplémentaire sur le prix déjà soldé, soit jusqu'à 70% de réduction. Oui, 70% de réduction immédiate sur une sélection de produits. Ne manquez surtout pas les soldes dans votre magasin géant. Les prix bas, c'est géant. Offre valable dans les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Date des soldes selon décret. Et voilà, vous avez 40 ans. Et ça fait 40 ans que vous êtes trop jeune. Trop jeune, ado, pour avoir un scooter, en seconde pour sortir avec un terminal. Quand vous avez commencé à travailler, vous manquiez d'expérience. Trop jeune encore. Et voilà, vous avez 40 ans. Et vous êtes assez grand pour tout, même pour porter des lunettes. Si vous êtes né entre 1968 et 1978, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll et découvrir les verres Essilor. Atoll, mon opticien. That's all. Ce test n'est pas un examen médical. Dispositif médical CE. L'affaire est dans le sac. Expression française qui signifie que tout ce dont vous rêvez se trouve sur la redoute. Plus 15 jours avant les soldes, jusqu'à moins 60% sur la mode et la maison. À vous cette petite robe ou ce canapé qui vous fait rêver. Et en plus, la livraison est gratuite toute l'année avec la redoute et moi. Voir conditions sur laredoute.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite. Sans abonnement. Avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Hier, j'étais dans la mer et j'avais même pas pied. Moi, je m'en fiche parce que je nage toute seule et sans brassard. Et ben moi aussi. Et même qu'avec mon papa, une fois, on a nagé même quand il y avait le drapeau rouge. Et si nous transmettions la bonne attitude, à la plage aussi, les consignes de sécurité se respectent. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de Loire-Atlantique. À 20 km de Nantes, au Palais, l'exploitation familiale du domaine du Bois Joli compte 30 hectares de vignes et produit le Moulin Carré, un muscadet de qualité. Il est issu du cépage le melon de Bourgogne, que l'on nomme ainsi non pas à cause d'un goût de melon, mais en raison de la forme très arrondie de ses feuilles. Je vous dis tout ça pour que si on vous pose la question, vous n'ayez pas un blanc. U. Commerçant autrement. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Olivier Giroud, qui frappe ! Football ! Ça sent le match de foot, c'est tout à l'heure, c'est à 16h, c'est à la télé, c'est sur TF1, nous regarderons le match. Si vous êtes au Gros du Roi aujourd'hui à 16h, vous pouvez venir avec nous. On sera dans une plage qui s'appelle le Bamboo Beach. Ouais, carrément. Qui nous ont proposé, venez voir le match chez nous, on a un écran géant. Ouais. Écoutez, un écran géant. Il y aura des pizzas, on est bien. Cool. Hein. Si vous voulez venir avec nous, et vous pourrez voir le match. Dadju est avec nous jusqu'à 9h30. Tu vas le regarder, le match? Bien sûr, évidemment. Ok, d'accord. Bah oui, c'est important. Ouais, non, c'est super important. J'essaye de vraiment pas rater. Je regarde un maximum de matchs. Ben alors, évidemment, il y a les gens qui bossent et nous. Normal. Dadju est avec nous jusqu'à 9h30. N'hésitez pas à nous appeler au 0 870 42 48. Vous pouvez lui poser des questions. Et puis il va chanter Django en version acoustique d'ici un petit quart d'heure. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Jean-Charles Gaucher. Salut Manu, bonjour à tous. Pas de changement ce mardi. La météo reste estivale pour tout le monde. Du soleil, du ciel bleu au menu toute la journée, mais aussi jusqu'en fin de semaine. Comme prévu, les températures grimpent un petit peu chaque jour. Ce matin, il fait de 13 à 23 degrés du nord au sud. Et cet après-midi, on aura 23 degrés à Lille, 26 à Chambéry, 28 en plein cœur d'Orléans. Une vague de chaleur est prévue pour la fin de semaine. La Coupe du Monde de football, les Bleus jouent face au Danemark à 16h, pas de stress particulier, mais tout de même la volonté de garder la première place de poule pour affronter un adversaire en principe plus favorable en 8e. Didier Deschamps devrait donc faire tourner avec la moitié des titulaires du Pérou laissés sur le banc. L'autre choc du jour aura lieu à 20h avec Argentine-Nigeria, l'Argentine de Lionel Messi. Dans l'actu également, Parcoursup entre dans une nouvelle phase aujourd'hui. La plateforme rouvre pour les retardataires, mais aussi ceux qui ont changé d'avis. Les terminales qui viennent de passer le bac peuvent donc se connecter pour faire évoluer leur vœu d'orientation dans les études supérieures, et ceux qui n'ont toujours pas reçu de réponse positive doivent se manifester jusqu'au 21 septembre. Le bout du tunnel, début ce soir du dernier épisode de la grève perlée des cheminots. Après 3 longs mois de galère, le retour à la normale est cette fois prévu pour vendredi matin. Prévision de trafic comme d'habitude vers 17h aujourd'hui. La Bretagne dans le cœur, après la Normandie et son camembert, les Bretons lancent eux aussi une pétition sur internet pour la création d'un emoji avec leur drapeau. Il y a déjà 20 000 signatures en ligne et vous pouvez vous aussi soutenir le mouvement sur emoji.bzh. La folie des ventes privées, la plupart des grandes marques proposent déjà des super promos pour leurs clients privilégiés. Et il vous reste en tout cas quelques heures pour faire les derniers repérages. Les soldes d'été débuteront demain matin sur internet, mais aussi en magasin. Bravo Rudy Gobert, le pivot de l'équipe de France et des Utah Jazz. Il est seulement le 3e joueur français à obtenir une récompense individuelle en NBA. À 25 ans, il a donc reçu le trophée de meilleur défenseur de la saison. Seul Joakim Noah, côté tricolore, l'avait déjà fait avant lui. Girl Power en force aujourd'hui. Ah oui, Jane vient de dévoiler son nouveau clip, celui du single All Right. On la voit en pleine cascade, plus aventureuse que jamais sur une voiture ou à moto. All Right, c'est le premier extrait de son deuxième album dont la sortie est attendue le 24 août. On finit avec un palmarès plein de surprises. Allociné a compilé les chiffres astronomiques des franchises cinéma. Billetterie, jeux vidéo, produits dérivés, c'est Pokémon qui arrive en tête toute catégorie. Plus de 60 milliards de dollars de revenus depuis la création du manga. Deuxième place pour Star Wars, bien évidemment, autour des 40 milliards. Et puis Hello Kitty est troisième devant l'apprenti sorcier le plus célèbre de la planète, un certain Harry Potter. 9h04, fin de ce flash. Bon réveil, bonne matinée sur Énergie. On est le mardi 26 juin et Manu dans le 6-9 est en direct du Gros du Roi toute la semaine. Bonne journée. Et c'est pas nous qui nous auto-applaudissons, il y a des vrais gens. Ouais. On est en direct toute cette semaine. On est au Gros du Roi pour la dernière semaine de la saison. On est en public. Vous pouvez aller sur manudansle69.com pour vous inscrire. Il y a 300 places chaque matin. Vous pouvez venir avec nous. On a des invités ce matin. Vous pouvez l'applaudir. C'est Dadju qui est avec nous. Ouais. Et il va chanter tout à l'heure en direct une version acoustique de Django. Ça va être cool. Ouais. Et t'as ton propre petit jingle, tout ça. Ma chanson ? Ouais. Ouais, mais je l'ai aussi quand je me réveille le matin. Pas mal du tout. Hein. Ah. Ta vie, ça va. Ouais, ça va. Ouais, j'ai mon prénom qui est chanté, quoi. C'est devenu mon quotidien, tu sais, maintenant. Sauf que chez moi, ce sont des vraies nanas qui chantent. Ouais. C'est ouf, ça. C'est mon réveil. Voilà. Ouais. Franchement magnifique. J'aimerais qu'on applaudisse Manu pour ça me fait plaisir. Pour ce style de vie. Hein, tu veux dire que tout le monde n'a pas ça? Non, c'est pas quelque chose de normal. Ah bon? Je suis désolé. Ouais. Je le savais pas. Vous avez envie de parler à Dadju? Eh ben n'hésitez pas les amis, vous pouvez nous appeler au 0870 42 48. Dans 5 minutes, c'est les infos de Glandu. Ouais. Attention, tu vas découvrir ça, Dadju. Mm-hmm. Le principe est très simple. Glandu répond à des questions que personne ne se pose. Ouais, c'est vrai. Voilà. Ne demande pas pourquoi, on ne sait pas. Mais c'est son truc à lui, il y aura quoi? J'ai une faute de frappe qui a coûté 200 millions d'euros à une entreprise. Ah ouais, le doigt qui a ripé, paf, 200 millions d'euros. Ça fait cher la faute de frappe. Ouais, ça fait cher, ouais. Ok, c'est dans 5 minutes, nous allons savoir de pourquoi, le comment, de tout ça. Je vais vous expliquer, ouais. Avant ça, nous avons Nicolas au téléphone. Bonjour Nicolas. Nicolas. Nicolas, trois fois. Allô. Nous étions très inquiets pour toi, Nicolas. Ah, salut Manu, salut les ouin-ouin. Est-ce que le gros du roi est réveillé? Le gros du roi est bien. Nicolas est animateur de Colony. Ouais, c'est ça, c'est ça. Nicolas, t'avais une question pour Dadju. J'ai une question pour Dadju, ouais. Salut Dadju. Alors salut, moi, j'aimerais savoir quel est ton plat préféré au restaurant. Ça, c'est de la bonne question. Ah voilà. Ah ouais. Alors, quel restaurant? Ça dépend le restaurant. Non, alors attends, regarde. Je propose un truc. Ouais, si tu ne pouvais ne manger qu'un seul plat dans ta vie, toute ta vie, c'est ce plat-là. Moi, c'est la tartiflette. Parce que j'aime 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Wow. Là, comme ça, là, je te dirais des entrecôtes marinées. Oula. On est pointu, là. Ouais. Avec des frites. Je peux manger des frites tous les jours. Ah ouais, pourquoi, pourquoi. Ah ouais. Ah, on est bien, bah, nous deux on fait vraiment un gros bras d'honneur aux légumes. 10 fruits et légumes par jour. Ouais, on est bien. Entrecôte avec frites, Nicolas. Et bah c'est un bon choix. Et ah, quel est le plat, genre t'arrives dans un restaurant, à chaque fois qu'il y a ce plat dans le menu, tu vas le prendre? Moi par exemple, c'est dès qu'il y a tomate mozzarella, ah ouais, c'est je prends. Quand on veut pas d'entrée, c'est chiant. Dès que je vois entrée chèvre. Entrée, ah, le chèvre chaud. Ouais, ah ouais, chèvre, c'est vrai. Je prends tout le temps. Ouais. Ah ouais. Tout le temps. Je prends pas, jamais de risque. Chèvre chaud et tomate mozza, tout le monde prend. C'est comme dans l'avion, qu'est-ce que tu bois? Du jus de tomate? Pas du tout. Ah bon? Non. Bah, t'es pas normal, toi. Non, je bois pas de jus de tomate dans l'avion. Bah si, dans l'avion, tu prends le jus de tomate. Non, mais c'est pas une question, tu prends le jus de tomate. Y'a personne qui boit du jus de tomate dans l'avion. Mais si, tout le monde prend le jus de tomate. Non. Toi, t'as un style de vie bizarre, hein. Ça chante ton nom, tu prends du jus de tomate. Toi, t'adores ça, mais. Ouais, t'es bizarre un peu, je trouve. Non. Mais le jus de tomate dans l'avion, c'est pas que tout le monde en prend, c'est que c'est le seul endroit où tu peux en boire, en fait. Les gens vont en boire. Mais parce que oui, il y a du jus de tomate. Et je vais dire pourquoi je Laisse prends le jus de tomate Manu. Dans l'avion. Laisse tomber, Manu. Non, mais j'explique. Parce que avec le jus de tomate. Laisse tomber, Manu. Je vais aller jusqu'au bout de ma théorie. Dans l'avion, lorsqu'il te donne du jus de tomate, il te donne en plus un petit sachet de sel. Oui. Et une petite baguette pour tourner. Oui. Et bien, du coup, j'ai l'impression que pour le même prix que les autres, j'ai quelque chose en plus. Ah ouais, okay. C'est ça, on y c'est arrive. C'est un truc de radin, quoi. Ah, mais totalement. Et en plus, je suis allergique à la tomate. Non, c'est pas vrai. Merci de nous avoir appelé, Nicolas. Belle journée à toi. Merci à vous, bonne journée. Ciao, 9h08. Dadju est avec nous ce matin dans 10 minutes. Il va chanter Django en version acoustique avec Nico du Web à la guitare. On va avoir le retour de Perrine aussi, normalement, dans un instant. Qui est à la phobie des bananes. Mmh. Ouais. Nous avons avec nous Kevin qui est psychopraticien. Exactement. C'est dur à prononcer, mais alors ça, les études doivent être encore plus compliquées. Qui va tenter de lui faire passer sa phobie des bananes. Ils sont partis faire de l'hypnose dans une salle. Elle va revenir dans un instant. On va lui éplucher une banane devant les yeux. On verra si ça marche ou pas. Wow. Je ne suis pas totalement rassuré. Ouais, même sûr de le faire. Ouais. 0870-42-48. N'hésitez pas à venir avec nous. Dans 3 minutes, c'est les infos de Glandu. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. C'est juste après Kaigo sur NRJ. It never fades away. It's staying. Your kiss like broken glass. On my skin, and all the greatest loves ending violence is tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. Reminding me I got these scars to get your love. Keep reminding me, oh, to get your love. You left your mark. You left your mark. Reminding me to forget. You left your mark. Reminding me, oh, you left your mark. There's no room in war for feelings. Hurt me to the core, still healing. And I know you're no good try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark. Just you like I need. Bienvenue sur Énergie, il est 9h12. On est avec vous comme chaque jour. Attention, la pression monte. Oui. La pression monte pour deux raisons. D'abord, les infos de Glandu. Il y a toujours la pression qui monte. Ouais. Dadju va chanter avec nous dans une petite dizaine de minutes. Il va chanter pour nous, pour vous. Ce sera en Facebook Live, une version acoustique de Django avec Nico du Web à la guitare. Ouais. C'est bien, c'est. C'est trop cool. C'est parfait. Il ne sait pas jouer, hein, donc vous. Ah ouais, pas du tout. Ouais, non, pas de ouf. C'est pas vrai, il est non, trop fort. Rigole, ouais, c'est pas vrai, c'est il est pas trop vrai. Fort. Il gère, il maîtrise. Il a plus de fils. Non, il maîtrise. Je vais vous dire un truc, là, je m'emmerde hein, ce matin avec vous. On peut y aller. L'appel automatique de Georges arrive aussi. C'est dans 5 minutes l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Les robots vont prendre notre boulot. On le oui. sait, ouais. dans 50 ans, on sera tous remplacés par des robots d'Adjou. Faut que on te l'annonce. Ok. Mais nous, on n'attend pas ce moment-là, on le fait dès maintenant. D'accord. Tu vas découvrir, Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est dans 5 minutes. Mais avant ça, voici les infos de Glandu. Ouais. L'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Une faute de frappe a coûté 200 millions d'euros à une entreprise japonaise. Alors, je vous demanderai pourquoi. Eh ben, je vais te le dire. C'est l'entreprise Mizuho Securities. En fait, ils ont vendu à la bourse de Tokyo. Ils ont vendu 610 000 actions pour 1 yen chacune. Ça fait moins d'un centime par action. Au lieu de vendre une action pour 610 000 yens. En fait, ils ont inversé les deux. Ils ont vendu 610 000 actions pour 1 yen au lieu de une action pour 610 000 yens. Ah. Et du coup, avec ça, ils ont perdu. Ils ont essayé d'annuler. Trois fois, on leur a dit non. Ça leur a coûté 200 millions d'euros. Ouais. Ils ont pas fait faillite, hein, ils ont survécu. C'est toujours le truc où t'avais qu'un seul truc à faire. Tu la merdes. Et la personne qui a merdé, il y a des. Mais ça, je sais pas, j'ai pas. Bah, tu sais quoi, elle s'occupe de l'autre émission. Les dinosaures ne pouvaient pas tirer la langue. Ouh. Ouais, ils sont nuls les dinosaures, hein. Ils nous impressionnent et tout dans les films, mais pas du tout. Il y a des chercheurs de l'université du Texas à Austin qui ont prouvé que la langue a été collée en fait au fond du palais des dinosaures. Hein? Et du coup, ils n'arrivaient pas à tirer la langue quand ils rugissaient. Quand ils s'engueulaient, ils pouvaient pas faire genre un. Ouais, c'est ça. Non, ils pouvaient pas se dire na en tirant la langue. Ouais. Non, ils pouvaient pas. Ah ouais. C'est pas. Un gros défaut pour les dinosaures. Ouais, dans Jurassic Park, quand on les voit tirer la langue et tout. Non. Après, le dinosaure, en général, il te tire pas la langue, il te bouffe direct. Voilà, ouais, c'est ça. Langue ou pas langue, ouais. C'est pas très grave. Ouais. Une info, Obama. Quand Obama était président des États-Unis, il produisait sa propre bière à la Maison Blanche. Génial. C'est classe, hein. Mais attends, il la faisait produire ou il la faisait lui-même? Non, lui-même. Il rigolait pas avec ça. C'est-à-dire, c'est lui qui commandait le matériel, c'est lui qui commandait les ingrédients nécessaires. Il avait deux types de recettes. Une bière brune et une bière plus sombre, encore plus sombre. Et en fait, il servait cette bière aux invités de marque. Quand les mecs venaient à la Maison Blanche, il leur servait sa bière. C'est pas mal. La cuvée Obama, quoi. C'est pas mal. Mais t'es obligé de dire, elle est bonne. Bah, c'est oui, ça. C'est ça. Parce que sinon, bah, tu vas en prison sinon. Ah bah, elle est. Ouais. Très très bonne cette bière. Génial, c'est-à-dire que le pays, non, je m'en fous. Moi, je fais de la bière. Ouais, c'est ça. C'est ça. Nous avons une alerte atomique. Deux secondes. Je mets du houblon. Ouais. Les infos de Glandu, c'est tous les matins pour vous. 9h15, on vient tout de suite sur Énergie. Dadju est avec nous, il va chanter en direct Django en version acoustique avec Nico du Web à la guitare. Ce sera en Facebook Live. Et puis on vous prend au téléphone vos questions pour Dadju. N'hésitez pas, c'est tout de suite à, dans 10 minutes. Ah, ouais. Excusez-moi, j'ai beaucoup de choses dans ma tête. Manu. Manu et le Ouais, on vous aime. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Gagnez 1000 euros de bons.

rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be Pierre Ménès. Mon métier, c'est le foot. Mais ma passion, c'est Manu. Je l'ai dans la peau. Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Ça me fait plaisir. À propos de foot, je vous rappelle que la France joue. Aujourd'hui, c'est à 16h que nous allons regarder le match. On est au Gros du Roi toute cette semaine, donc on va regarder le match sur une plage. Ouais, c'est cool et vous pouvez venir avec nous, on vous emmène avec nous. On sera à la plage de Bamboo Beach. Ouais, venez. Qui nous a appelé, qui nous a dit, nous avons un écran géant, venez regarder le match. Ouais. Franchement, quand on est invité, nous, on y vient. Ah bah, évidemment. On sera sur une plage. On me fascine qu'il y a deux écrans géants, Manu. Oh, deux écrans géants. Eh ouais, deux bonnes raisons en plus de venir. Oui. Un devant, un derrière. Des fois, quand tu te tournes, ouais, tu c'est, ouais. C'est ça. Voilà, c'est peut-être too much, deux. Hein, mais si ça leur fait plaisir. Dadju est avec nous jusqu'à 9h30. Dans un instant, une version acoustique spéciale de Django avec Nico Dubois à la guitare. T'es prêt? Ouais, totalement. Tu peux nous dire non, hein. Non, je peux pas, non. Tu m'as dit qu'en off, tu m'as dit que je pouvais pas dire non. Ah bah c'est vrai, ouais. Ah ouais, d'accord, on va rajouter les trucs, tu vois. Avant ça, attention, là on rigole plus. Il y a une heure, nous avons eu Perrine. Viens Perrine, tu peux venir avec nous. Tu peux t'asseoir là. Perrine est une des gagnantes de la semaine de vacances. On vous a offert une semaine de vacances avec nous. Il y a Kevin aussi qui est là. Perrine a une phobie. C'est pas une connerie d'Adjou, n'aie pas peur. Perrine, Dadju est paniqué parce qu'elle est à côté de lui. Perrine, tu as la phobie des bananes. C'est ça. Ok, il y a une heure, je t'ai dit, est-ce que je peux sortir une banane? Tu m'as dit, de loin, je peux la voir, mais je peux pas la toucher. Et si tu l'épluches, je vomis. On est d'accord. Donc du coup, je ne l'ai pas épluchée, hein, rapport au fait qu'on n'a pas envie. Ouais. Et je t'ai présenté Kevin. Kevin qui est aussi un gagnant. Il a gagné une semaine de vacances et il est psychopraticien. Ouais, c'est ça. C'est ça. On ne sait pas comment ça s'écrit. Mais on sait en gros que ça aide à soigner entre autres les phobies des gens. Ouais, entre autres, oui. Vous êtes partis une heure ensemble. Oui. Ce qui s'est passé, c'est la légende. On verra après comment votre vie va évoluer tous les deux. En tout cas, vous êtes partis une heure et vous venez de revenir. Kevin, tu as fait de l'hypnose à Perrine. Oui, en partie. Ok, en partie. Autre chose aussi. Oui. Ça reste la légende. Est-ce que tu penses que tu as aidé Perrine dans sa phobie de la banane? C'est une vraie phobie, je vous le rappelle. Oui, je pense que ça a pu lui faire comprendre certaines choses. Que par exemple, la banane n'est qu'un fruit et que c'est pas une arme de destruction massive. Par exemple, oui. Ah ouais. Ok, est-ce que tu penses que je peux lui montrer une banane sans qu'elle crie? Oui. Oh là là. Perrine, je peux te la montrer? Tu peux me montrer ta banane, Manu. Allez, ouais. Oh putain. La voilà. Ouais. Perrine a l'air moins effrayée que tout à l'heure. Ouais. Ouais. Effectivement. Attention, alors tout ça c'est filmé, on va vous faire une vidéo ensuite le avant-après. Perrine, est-ce que tu es prête à aller plus loin? Avec moi. Avec ta banane. Avec ma banane. Est-ce que tu peux prendre une banane dans la main en théorie? Je peux essayer. Mais. T'en as déjà pris une? Non. Tu l'as jamais prise dans la main? Non. Tu veux la prendre dans la main? Essayer. Mais non, ah ouais. Depuis qu'elle est petite, elle a la phobie de la banane. Ouais. Non, mais si ça a marché, c'est dingue. Attention. Ouais, carton. Ah, attention. Dadju s'éloigne. Alors, Dadju s'éloigne parce qu'il sait qu'effectivement, elle peut vomir si elle prend une banane. Ouais. Non, si tu veux pas, Perrine, vraiment, on le fait non, pas. Hein. Mais tant qu'elle est pas épluchée, que j'ai pas l'odeur. Que... D'accord. Wow. Tu es prête? Toujours partant. Est-ce que je peux la jeter? Oh non, Manu, non. Doucement. Dépose-lui. Allez. Doucement. Alors, je la pose sur la table. Oh là là là là. Et quand tu te sens prête à la prendre, c'est génial. On a l'impression qu'on fait un truc de fou. Ouais, c'est clair. Tu sais quoi ? L'équipe de déminage. Ouais. Comment on va faire ? C'est une banane. Ouais. Cette banane est très dangereuse. Nous la posons là. D'accord. Il y a 300 personnes qui te regardent. Il y en a qui disent c'est incroyable, d'autres qui disent elle est tarée. Il y a beaucoup de sentiments différents. Je pose la banane sur la table. Ouais. Je me recule. Dadju, viens avec moi. Perrine est seule, avec sa phobie. On peut mettre un petit son d'ambiance ou un truc comme ça. Attention, t'as raison. On va mettre un son d'ambiance tout de suite. Non, ça bug. C'est pas grave. Okay. Perrine, oui. Le monde est scotché à ta main et à cette banane. Si tu peux la prendre, c'est le plus beau jour de notre vie. Ouais. Okay. J'ai un peu les mains tremblantes, okay. Le cœur qui palpite. Ouais. Nous sommes là avec toi. Mais ouais, je vais le faire. Allez. Voilà. Elle vient de tremblante. Ah ouais. C'est incroyable. Ah ouais, c'est génial. Il y a une heure, Perrine, il y a une heure, tu ne pouvais pas voir une banane. Elle est pas bien, hein? Ouais. Non, elle est pas top là. Impressionnant. T'as réussi à prendre la banane dans la main. Ouais. Mais Kevin, qu'est-ce que t'as fait à part lui donner de l'argent et la menacer de mort? Beaucoup de discussions et puis l'état d'hypnose a commencé en fait à débloquer certaines choses chez elle. Ah ouais? On est plus dans émotionnel là. Mmh. C'est mais génial de parler si comme. Elle est émue. Je vous rappelle qu'on est en train de parler de banane quand même. Si on nous avait dit qu'on allait vivre ça un jour à la radio. Alors franchement, non. Ça va, Dadju? Ouais. Il joue avec la banane avec devant moi. J'ai envie de l'éplucher. Non, non, non. Franchement, j'ai vraiment envie de l'éplucher. Mais si j'ai un haut de cœur, ce sera sur toi. Non, mais... Il a posé la banane du coup. Il faut y aller mollo avec les phobies. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as touché la banane. Ouais. Ah, c'est énorme. Prochaine étape, tu pourras dormir avec. Tu t'apercevras que le matin elle est toujours là, elle t'a pas fait de mal. Et on va y aller petit à petit, ok? Ouais. Et ensuite tu finiras dans quelques années, ton métier ce sera jongleuse de bananes. Peut-être, qui sait? Et ben, vous pouvez l'applaudir, Perrine. On se fait le live maintenant, Nadjou? Ouais. Allez les amis, on va lancer un Facebook live. On va être en direct si vous voulez assister à ça aussi. Après Perrine et sa banane, souffle, tout va bien, Perrine. Voici Dadju pour nous en live, une version acoustique de son dernier hit, c'est Django. Nous sommes en Facebook Live, le temps que vous vous connectiez à notre page, n'hésitez pas, vous venez maintenant. Attention, on est en public, on est au Gros du Roi, c'est quand vous voulez. Nico Dubois à la guitare, Dadju. Hey, hey, hey. C'est quand vous voulez. Je tiens à dire quand même que Nico est pieds nus aujourd'hui. À tous les jours. Ah, oui, on a un problème dans l'équipe globale. Hein, pendant qu'il joue de la guitare, on peut discuter en même temps. Hein, guitare, hey, hey. J'aimerais, s'il vous plaît, que tout le monde chante avec moi. Quand je vais vous dire de chanter Django, je vais vous entendre chanter Django. Je veux que tu portes mon nom de famille, mes apprendis d'un. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais hey, il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, tout le monde Django. Voilà, je briserai les chaînes comme Django, ça fait plus fort que ça. Je briserai les chaînes comme Django. Yeah, je briserai les chaînes comme Django. Django. Il veut nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi mais pas toi. Ok mais laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Il me voit comme celui qui vient lui voler sa vie pour te retenir, il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Et même parler de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Tout le monde briserait les chaînes comme Django, ça fait. C'est ça, je briserai les chaînes comme Django, hey, Django. Hey, je briserai les chaînes comme Django, hey, Django. Et paniquer, il ne faut pas paniquer. C'est qu'une épreuve à traverser avant l'arrivée. Baby, même s'il veut pas valider, c'est qu'une épreuve à traverser avant l'arrivée. Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django, eh, comme Django, Django, eh, je briserai les chaînes comme Django, oh, Django, eh, oh, ah. Merci. Merci. Merci beaucoup. Avec Nico Duwa et la guitare, une version acoustique de Django. Ouais. 9h32 les amis, et bah c'est là-dessus qu'on va s'en aller. C'est beau. Cool. Et bah oui, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vous pouvez applaudir Tadjou encore une fois. C'est la deuxième fois de sa vie qui se lève avant 10h du matin. La suite c'est quoi? C'est concert pendant tout l'été, les festivals les, ouais, tout l'été, festival, et puis je reprends ma tournée en octobre. La tournée de ma propre tournée en octobre qui finira sur le Zénith de Paris. C'est pas mal. Ah, c'est cool. Qui est déjà complet d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Ah. Donc pas la peine de donner la date du coup. Puisque ça ne sert à rien, c'est déjà complet. Dadju était notre invité ce matin. Bravo, merci beaucoup. On se retrouve dès demain. On sera là à partir de 6h comme chaque matin. 6h, 9h30, c'est Manu dans le 6-9 pour cette dernière semaine d'émission. On est en direct du Gros du Roi, manudanslesix9.com pour venir avec nous. On est en public, 300 places chaque matin pour vous. À demain les wouah wouah. À demain. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30. Hit à la maison. Baby, you look happier, you do. Les plus gros hits en voiture. Les plus gros hits au travail. Énergie, Hit Music Only. Vous le savez peut-être pas, mais avec EDF, votre déménagement c'est bien plus qu'une simple ouverture de contrat. Vous profitez des nouvelles offres d'électricité verte et de gaz d'EDF et de conseils personnalisés pour vous aider à faire des économies d'énergie. Appelez le 3004, tous nos conseillers sont en France. Service et appel gratuit, offre de marché soumise à condition, disponible sur particulier.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une victoire. Ben, je vais me prendre une petite glace, moi. Intermarché vous propose d'écouter un fan de foot après une défaite. Ben, je vais me prendre une petite glace, moi. Jusqu'au 1er juillet chez Intermarché, le paquet de 8 cônes vanille extrême est à seulement 3,39€ avec en plus 50% d'avantage carte. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Soit 568 grammes à 5,97€ le kilo. Modalité et magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Foot veut dire nourriture. Mesdames, messieurs, nous atteignons le pays des pourcentages. Oh, quelle chance vous avez! Un énorme pourcentage de réduction vient vers nous! Oh, beau spécimen! C'est un moins 55%, une espèce rare. Jusqu'au 16 juillet chez SFR, profitez des réductions exceptionnelles du shopping d'été, comme moins 55% sur le forfait Power 50 Go à 10€ par mois pendant un an au lieu de 24€. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, enjoy! Offre soumise à conditions, valable en France Métro.